Yes, bonjour à tous, bonjour Valentin, comment ça va? Ça va Antoine et toi? Ça va bien, je te remercie. Merci de m'accueillir chez toi pour ce troisième plus ou moins officiel ouais, sur la table. Bah un plaisir, hein, on est dans le salon, donc ouais le troisième officiel mais le troisième qu'on a fait mais le deuxième officiel. Le deuxième était pas terrible au niveau qualité audio. Effectivement ouais du coup on a investi dans du matériel. Ouais. Donc celui-là devrait être un peu plus agréable à l'écoute. J'espère, hein, après on maîtrise pas trop le matériel donc on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ça, ouais, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Voilà ouais. Et du coup on va commencer parce que avant qu'on lance cet enregistrement, tu m'as montré cette fabuleuse conférence de presse entre Charlie Sonnen et Tito Ortiz. Ouais. Et c'est vrai que c'est quand même assez surprenant qu'un mec aussi avec autant d'expérience que Tito Ortiz soit toujours aussi nul en conférence de presse. Enfin, c'est même pas qu'il soit nul, mais c'est qu'il ait toujours pas compris qu'il fallait qu'il évite le trash talk en fait. Quoi. Non, c'est clair. Bah après, j'arrive pas à savoir, bah, c'est ce que je te disais, si c'est du trash talk forcé ou ouais. Si c'est vraiment ce qu'il essaye de faire. En tout cas, dans les deux cas, comme je te disais. Il est bien ridicule, quoi. Ouais, ouais, oui, absolument. Ouais, c'est parce que ce soit qui se force ou que ce soit naturel chez lui, c'est ça passe un peu à côté de la plaque, quoi. Mais d'ailleurs, enfin, ce combat Charles Sonnen contre Tito Ortiz, ouais. il devrait être quand même assez catastrophique, je pense, en termes de qualité. C'est ce que j'allais te demander. Tu penses que ça donne quoi, Charles Sonnen contre Tito Ortiz, dans oui. l'absolu, vraiment combattant contre combattant, ça donne quoi pour toi? Je pense que Charles Sonnen doit être un peu plus jeune, je pense. Mais de pas beaucoup en tout cas, ouais. à mon avis. Je pense qu'il va être en meilleure santé parce que Tito Ortiz, il est quand même passé plusieurs fois sur le billard. Notamment, c'est sur YouTube, il avait montré la vidéo d'une de ses opérations à la nuque. C'était assez brutal. Ouais, ouais. Et je pense que son dernier combat à l'UFC contre Forrest Griffin, qui commence déjà, ça fait peut-être 4-5 ans maintenant, ouais. était particulièrement pénible à regarder. Ouais, c'est clair. Il ramasse un peu quand même. Ouais, il ramasse. Ouais. Il a fait. Je crois qu'il a dû faire un ou deux combats au Bellator. J'en ai vu un contre le champion en titre Liam McGarry. Ouais. Moi, j'ai pas vu. Hein. Ça donnait quoi ça? Ça donnait. Bah, il s'est fait étrangler. Il s'est pris un. Il s'est pris un triangle en fait. Il faisait pas le poids quoi. Tu vois d'autres. Il est trop. Enfin, il ramasse trop quoi. Sincèrement, il est trop vieux quoi. Donc bon. Et parce que là, il a 41 ans, Tito Ortiz. Ah ouais, et Charles Sonnen 39. Wow, ah ouais. D'accord. Ok. Ok. Ok. Et du coup, Charles Sonnen, bon, ça a jamais été un. Enfin, le mec a quand même eu un bon niveau pendant un moment, quoi. Mais ouais. ça a jamais été un mec très, très ouf non plus à regarder, quoi. Bah après, ils ont quand même, en termes de compétences, quoi, enfin de force et de faiblesse, c'est un peu, ouais, des lutteurs, quoi, les deux. Après, je pense que la différence de poids, elle est quand même assez costaud parce que Charles Sonnen, il vient, quoi, de la base des poids moyens. Il a fait quelques trucs en mi-lourd là, mais je crois qu'il s'est fait quasiment latter à chaque fois, sauf contre Shogun, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Parce que contre Jones, ça s'est pas bien passé. Bon. Contre Rashad Evans, je sais plus si c'était en poids moyen ou en mi-lourd, mais dans tous les cas, Rashad Evans, c'est anciennement un mi-lourd. Et il l'a dominé de ouf. Ouais. Et je sais plus s'il y en a eu d'autres de tête là en mi-lourd. Mais en tout cas, il a pas eu une carrière glorieuse à ce niveau-là. Et Tito Ortiz, c'est un mec, un mi-lourd, mais qui est bien costaud quoi. Genre, tu vois juste dans la conférence de presse, quand tu les vois en face à face, il y a une bonne différence de taille quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. Surtout que Charlie Sonnen était dopé, hein, je pense, à ce moment-là quoi. Ouais, ouais. Vers la fin du UFC, enfin peut-être même. Pendant toute sa carrière UFC, mais à la fin du UFC, il s'est fait gauler parce qu'il était dopé, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est effectivement, c'est pas une catégorie qui doit lui réussir. Donc, ouais, je sais pas trop, en fait, parce que Charles Sonnen, sa force, enfin, quand il était vraiment, quand il gagnait ses combats, etc., c'était vraiment d'arriver, foncer droit sur le mec, le mettre au sol, le contrôler au sol et tout. Contre un gars comme Tito Ortiz, qui est aussi costaud, je sais pas si ça passe aussi bien. Alors, peut-être que c'est une question de stratégie, hein. Peut-être qu'il faut peut-être plus le fatiguer. Je sais pas comment. Voilà, mais j'arrive pas trop à me donner une bonne idée de ce combat. Je me dirais sur le papier comme ça que je vois plus Charles Sonnen dominer le truc. Mais là, si t'imagines qu'il est peut-être pas dopé et qu'il y a une différence de taille et de poids significative, je sais pas trop ce que ça donne quoi. Ouais, ouais, mais. Parce que c'est en mi-lourd de toute façon, c'est sûr. Tito Ortiz, il va pas descendre en poids moyen, c'est impossible. Non, ça m'étonnerait, c'est clair, surtout à son âge. Mais bon, enfin de toute façon, ils font ça, je pense, surtout pour cachetonner. C'est clair. C'est voilà, ça fait de la pub, ça fait de la pub au Bellator, donc bon voilà. Mais alors je crois qu'on en a parlé au dernier podcast, mais bon, il est tombé aux oubliettes, donc on va réaborder le sujet. Ouais. À propos du Bellator, là où ça devient intéressant, c'est la signature de Rory McDonald. Ouais. ça fait enfin ça donne quand même un gros coup de boost à l'organisation. Ouais. Parce que Rory McDonald, c'est quand même c'était quand même un des meilleurs combattants du UFC. Non, c'est clair, ouais. Il avait un talent de ouf. Il est encore super jeune. Et il s'est bat. Donc déjà, c'est quand même c'est un grand nom et c'est un mec qui est encore dans la force de l'âge, quoi. Ouais. C'est pas comme les mecs qui viennent pour un peu assurer leur retraite au Bellator. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait ça clairement pour parce que visiblement, il gagne mieux sa vie au Bellator qu'à l'UFC. Ouais. Du coup, ça, je trouve que ça comment dire, ça ternit un peu l'image de l'UFC comme organisation toute puissante, quoi. J'ai l'impression que des gens commencent à ouais, plus trop présenter les trucs en termes de challenge sportif, mais plus bon, c'est mon boulot, donc autant que j'ai aucune. Ouais, mais voilà, justement, moi par rapport à ça, c'est ce que je me dis, qu'un mec comme Rory McDonald, le fait de passer chez Bellator parce que ça lui donne plus d'argent, c'est un choix qui est logique pour lui, pour gagner sa vie, quoi. Mais après, en termes de motivation pure et dure sur le combat et tout, j'ai du mal à visualiser, à imaginer comment c'est dans leur tête. Est-ce que justement, même s'il est jeune et qu'il n'est pas forcément en train de penser à la retraite tout de suite, est-ce que c'est pas un truc de se dire voilà, maintenant je crois qu'il a eu un gosse, de se dire maintenant voilà, j'ai des responsabilités, il faut que j'assure mon avenir et tout, et qu'il pense plus à ça. Ouais. Et que le combat, bah forcément c'est ce qu'il fait, mais justement si c'est plus un métier, c'est moins le truc où voilà, le mec qui se dit moi je veux être champion absolument, c'est ma motivation ultime, c'est moi je veux être le meilleur du monde, etc. S'ils ont pas cette approche là, est-ce qu'ils ont les mêmes performances, est-ce qu'ils ont la même motivation? Et puis en plus de ça, Bellator, moi le truc qui me perturbe un peu en termes de concurrence à l'UFC, c'est leur choix en termes d'événements. Tu vois, Chelsonen contre Tito Ortiz, mis à part le fait que ce soit des gens qui sont connus, bah du coup on en parle, hein, au final, mais mis à part le fait qu'ils soient connus, en termes de qualité de combat, ça me donne pas envie de checker plus que ça au final. Oui, oui, c'est clair. Alors, peut-être que pour le marché mainstream, des gens qui connaissent moins, qui sont moins à fond, peut-être que ça attire plus, je sais pas. Mais j'ai du mal à comprendre leur stratégie, justement, s'ils ont des gens comme Rory McDonald, et puis même leurs combattants habituels, j'aurais tendance à plus vouloir les valoriser et montrer qu'ils sont sérieux et compétitifs. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils font un peu des trucs cirque, qu'ils ont fait Kimbo Slice contre. C'était qui Dada 5000. Ouais, voilà. Enfin bon, bref. Donc, c'est au niveau de la stratégie de Bellator, je trouve que. Qu'ils ont une carte à jouer, quoi, mais parce qu'ils commencent à avoir des bons combattants, enfin des combattants reconnus, parce que je pense pas qu'ils aient des gens forcément que mauvais, hein, mais des combattants reconnus, mais après ils font des choix spéciaux, tu vois, un mec comme il s'appelle Michael Page, c'est le gars genre un peu qui se la raconte, qui fait, ouais, des trucs sensationnels et tout, mais en termes d'opposition, à part a priori, il a pas grand monde qui pourrait lui poser problème, quoi. Et limite, ils font exprès de le mettre contre des gars contre qui il peut se donner un peu en spectacle. C'est ce qui se dit, ouais. Et bref, j'ai du mal à comprendre leur vision, quoi, Bellator, mais après, en même temps, je suis pas très près non plus Bellator. Non. Ouais, ouais, mais c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que il voulait que tu vois qui c'est, Paul Daly. Ouais, ouais, ouais. Il voulait qu'il affronte Michael Page. Et Paul Daly a pas voulu, en fait. Il dit que ça intéresse pas, que Michael Page est pas encore en son niveau, nanani, nanana. Ouais. Donc c'est clair que en fait leur c'est clair que c'est pas encore au niveau du UFC, quoi. Mais bon, ça. Ça commence, je pense que ça commence à venir doucement mais sûrement, quoi. Surtout que, on en parlait avant de commencer le podcast, surtout que voilà, il y a de plus en plus de combattants qui poussent pour faire un syndicat parce qu'ils ont vraiment la sensation de se faire enfler à l'UFC. Ouais, ouais, carrément. Donc je pense que ça devrait quand même amener à plus de départs a priori à l'UFC, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, peut-être que c'est un effet McGregor là, ou ben, je sais pas si ça vient de là, mais globalement tous ils parlent un peu plus de ce qui leur plaît pas. Ouais. Dans le sens où ils disent, ah ben lui, ce mec là McGregor, il se fait de l'argent, alors pourquoi moi je ferais pas de l'argent? T'as tous, quoi. Tyron Woodley, il a gagné son titre, deux secondes après il était là genre, ouais, moi je m'en fous de contre qui vous me mettez, je veux un combat qui me rapporte de l'argent. Enfin, tous les mecs maintenant ils sont dans ce truc là et donc ça a comme effet qu'il y en a plein aussi qui se disent, voilà, moi il y a ça qui va pas, l'UFC me traite pas bien, au niveau des sponsors ça me va pas, etc. Donc ça crée plein de choses, et ça me faisait penser à un truc là, je sais pas si t'as suivi l'histoire avec Mehdi Bagdad là. En fait, il s'est fait alors il était prévu, donc il a eu deux combats dans l'UFC, il a perdu les deux, donc il est à 0-2, quoi. Et il avait un combat prévu contre je sais plus qui à l'UFC Manille. Et en fait, il s'est blessé. Et donc, il a dit à Joe Silva, il a dit, ouais, bah là, je suis blessé, donc bah, je peux pas combattre. Ils lui ont dit, bah écoute, si tu annules le combat, nous, on te cut de l'UFC, quoi. D'accord. T'as pas le choix. Et donc, il... apparemment, ce qu'il avait, c'était un truc sérieux, donc il pouvait juste, ouais. Il avait pas le choix. Il a fait, bah, je suis blessé, je peux pas. Donc, ils ont fait, bon, ok, on te cut, c'est mort. Et deux jours après, ou peut-être pas deux jours après, mais pas longtemps après, ils annulent l'événement complet, UFC Manille. Donc limite, le mec, il aurait dû rien dire. Ouais. Il aurait dû rien dire et attendre que ça se passe. Mais bon, il savait pas. Et donc bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de pratiques un peu dictatoriales, un peu quoi, de l'UFC qui ressortent. Et donc je sais pas ce que ça va donner parce que... Parce que c'est quand même à la base le truc prestigieux, mais il commence à avoir une image pas hyper... hyper fun au niveau du, enfin, peut-être pas du grand public parce que le grand public s'en fout, mais ça ressort de plus en plus parce qu'il y a quelques années il y a personne qui se plaignait trop de la façon dont ils étaient traités, quoi. C'était tous, bon, on regardait vite fait un bout de l'Ultimate Fighter là, même ces mecs là qui sont payés que dalle, c'était genre ouais, j'ai une chance de dans l'UFC, et maintenant même les mecs qui débutent, tu sens qu'ils sont qui veulent être bien traités. Donc ce syndicat, c'est le moment, en tout cas je pense, pour ceux qui veulent se mettre dedans, je pense que c'est le moment de le faire, quoi. C'est ouais, mais en fait je crois qu'il y a deux choses qui ont mené à ça, quoi. C'est espèce de starification extrême de Ronda Rousey et de Conor McGregor, ouais. Où ils ont un peu toute attention tournée sur eux, ouais. Ça et de deal avec Reebok qui est comme assez scandaleux, ouais. C'est clair, ouais, c'est... Tout l'argent qu'ils ont perdu chacun là avec leur sponsor, ouais. Je sais plus qui avait fait, il y avait un mec qui avait fait une sorte de, comment dire, breakdown, quoi, de ce qu'il gagnait avant et maintenant ce qu'il gagne, c'était chaud pour lui, quoi. Donc ouais, je sais pas, mais je sais pas ce que ça va donner, quoi. Mais déjà avant le, parce que déjà avant le deal de Reebok, c'était un combat, je crois que c'était Francis Carbon contre Sibi Dolloway, si je dis pas de bêtises, ouais, enfin peut-être. C'était un combat de Sibi Dolloway, en tout cas c'était en Europe, ouais. Et il avait dit qu'il perdait d'argent en fait en se ramenant en Europe avec son staff et tout, ça faisait perdre de l'argent malgré le combat, quoi, en fait. Ah ouais, donc déjà malgré avant même de deal avec Reebok, les mecs c'était un peu tendu pour eux, quoi, dans certaines situations. Ouais, non, c'est chaud. Ouais. Mais là il y a même Saint-Pierre, vu qu'il a eu ses problèmes avec de contrat avec l'UFC machin, qui disait que lui il appuyait tout ce qui était syndicat, que s'il y avait un truc qui se faisait, s'il avait le temps, machin, bref, s'il y avait un truc pertinent qui se créait, lui il appuierait. Donc un mec, alors je pense que c'est une grosse figure du MMA et que avec le temps là, dans les quelques années qui viennent, faut qu'il y revienne rapidement parce que je pense qu'il va devenir un peu obsolète au bout d'un moment, quoi. En tout cas pour le grand public. Mais si un mec comme ça se met à appuyer ça, il y a des chances que ça puisse tourner d'un bon côté pour les combattants, quoi. Ouais, c'est clair. Bah il y a Donald Cerrone tout récemment là, pendant une conférence de presse, qui a dit que lui, il était prêt à représenter le syndicat, il était prêt à servir un peu de porte-étendard en quelque sorte, en fait, pour un syndicat, parce qu'il pense que et il a raison d'ailleurs, il pense que c'est ce qu'il peut y avoir de mieux pour les combattants, quoi, parce qu'un syndicat c'est ce qui permet de t'apporter une protection pour ton taf, et parce que ça reste leur taf après tout, quoi. Il y a ça, et puis enfin ouais c'est, je pense que ouais, ce serait... je vois l'article, ouais. Là. Ouais, qui dit qu'il serait, je crois que ce serait vraiment indispensable. Et puis après, bon, quoi. C'est quand même une phase de transition pour l'UFC parce qu'ils viennent de changer de propriétaire. Donc, même s'ils gardent, ouais, Dana White, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai entendu un truc, je crois que c'était un podcast, je sais plus ce que c'était que j'ai entendu, où t'avais des mecs qui disaient que justement, maintenant que c'est devenu quoi, c'est WME, le nouveau proprio là. Ouais. Et en fait, eux, ils dealent pas mal avec tout ce qui est acteurs, célébrités, machin. Et que dans ce milieu-là, t'as déjà pas mal de, justement, de syndicats d'acteurs. Et qui sont habitués à dealer avec ça. Et que limite, ils sont limite plus favorables ou. Enfin, ils sont plus enclins à négocier avec des syndicats que les anciens Fertitta qui étaient genre hyper rigides là-dessus. Ouais. Qui avaient un problème avec ça, avec l'histoire des casinos. Enfin, j'ai pas tout compris. Mais donc ouais, je pense que c'est le moment de le faire. Après, je sais pas sur quoi ça va déboucher. Moi, si j'étais dans le truc, je sais pas si c'est Cerron le meilleur représentatif. Parce que je sais pas, c'est pas forcément là. Je sais pas ce que t'en penses, quoi. Que ce soit lui qui représente les combattants dans un syndicat, ça me paraît bizarre, en fait, que en termes de personnalité, que ce soit ce mec-là, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est sûr que si moi j'avais à choisir, peut-être que je choisirais plus sur Saint-Pierre parce qu'il est beaucoup plus connu et que. Il s'exprime très bien et ouais, puis voilà, il est carré, voilà, il est sérieux, entre guillemets, alors que Cerrone c'est genre ouais, moi j'ai ma Bud Light, ouais c'est ça, je suis un cowboy, ouais. Et Mickey Vomer, Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que à partir du moment où t'as des mecs qui sont à UFC et qui ont quand même un bon niveau, quoi, ouais, qui en parlent, c'est déjà une bonne chose en fait. Non, c'est clair. Mais après, faut qu'ils démarrent. Et je pense que ce qui est pas évident, c'est de trouver justement le. Enfin, j'ai l'impression que d'après ce que je vois, c'est que tout. Enfin, pas tout le monde, mais t'en as plein qui disent ouais, franchement, c'est le bon moment, on est chaud, machin. Mais il y a personne qui démarre vraiment le truc. Ouais. Ils ont fait un truc là avec. L'avocat de Nick Diaz et je sais plus qui, ils ont créé, je sais plus comment ça s'appelle, une sorte de, pas vraiment un syndicat, mais un truc pour rejoindre, enfin que tout le monde les rejoigne, mais j'ai l'impression qu'ils sont obligés d'aller chercher les gens plutôt que les gens viennent vers eux. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a personne qui est en train vraiment encore de fédérer tout le monde dans la même direction. Bah, quoi. T'as quand même, t'as un truc qui s'est créé quand même, alors j'ai plus le nom en tête, mais c'est avec Kumli, Ken Shamrock, Nate Marquardt, John Fitch, ouais, et Randy ouais. Couture. Où en fait ils sont en train de pousser justement pour un syndicat. Ouais. Et ils ont déjà plus ou moins formé le truc, mais c'est encore au balbutiement. C'est M Fighter Association, un truc ouais, comme ouais, ça. C'est un nom tout bidon quoi, mais ouais. Bon, ça commence à prendre quoi. Mais après, ce qui est embêtant, c'est que je me demande avec toutes ces espèces de querelles de chapelle, comme on dit, entre les combattants, entre les clubs, j'espère que ça empêchera pas trop, non, ça entraverait pas trop non plus pour la création d'un vrai syndicat en tout cas. Non, bah j'espère aussi que ça va se faire, hein, parce que ouais. Franchement, les mecs. MMA Fighters Association, ouais, c'est je ça. Je crois que c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. MMA machin. Ouais. C'est ce truc-là, avec Randy Couture ou c'est l'autre Ah, parce qu'il y en a deux en plus, ouais. Ouais, parce que voilà, c'est ça le truc, c'est qu'ils font pas des trucs ensemble, ils font chacun leur, ouais. Leur truc de leur côté. Et je crois bien que ce soit celui-là, ouais. Ouais, si c'est ça. Ouais. Wow. Bah, le site, il est pas ouf. On est sur le site internet. Ouais, bon. Bon après oui c'est pas un site de ouf mais c'est les débuts quoi. Mais ouais. Oui, par exemple voilà il y a là ils font une vidéo avec Lacey Smith ouais. La combattante où elle disait qu'elle était qu'elle était atteinte d'un cancer pendant un truc comme ça et genre ouais. Et l'UFC l'a pas soutenu en fait quoi. Ah ouais j'avais pas suivi ouais, ça. Ouais il y a une histoire comme ça ouais. Ouais. Ok. J'espère ne pas me tromper mais bon après c'est peut-être pas non plus la meilleure idée d'avoir un mec comme Ken Shamrock pour représenter les combattants quoi. C'est ça quand t'as annoncé Randy Couture, Ken Shamrock, Nate Marquardt. Ouais, mais en termes voilà de comment dire de charisme, ouais fédérer les gens, je sais pas trop quoi. Ouais, bah après pour un syndicat, je sais pas si de charisme c'est un truc, enfin c'est un truc essentiel. Je pense qu'il faut surtout qu'ils soient nombreux et qu'ils se serrent les coudes quoi. C'est ouais, genre carrément. Mais ouais. Ouais, bah on espère que ça avancera en tout cas. Enfin, moi, c'est clair que je suis plutôt du côté des combattants parce que c'est eux qui se prennent des coups dans la gueule après tout. Ouais, non, c'est clair. Bah, ouais. On mettait les têtes de certains combattants là, on regardait quelques vidéos avant de commencer. Et quand on voit les mecs filmés de près en HD, on se rend compte qu'il y en a certains qui ramassent alors qu'on s'en rendait pas compte forcément ouais. Dans les autres vidéos quoi. Donc, ouais, non, c'est quand même assez important parce que. Enfin, c'est bizarre parce que l'UFC ils sont quand même vachement balèzes en termes de com. Parce que je me souviens qu'au début, il se l'a raconté un peu à dire ouais, on est la seule organisation qui assure les frais médicaux pour les combattants, machin et tout. Je sais plus c'était quand, mais il y a 4-5 ans ou plus, où ils avançaient vachement en disant qu'ils font des progrès, que je sais pas, si tu fais du foot, t'as pas tel avantage et tout. Mais en fait, en termes de thunes, je sais plus c'est avec quelle comparaison c'était, peut-être avec le NFL ou un truc comme ça, ou NBA, je sais plus. Il y a 50% des recettes de la ligue, quoi, qui est reversée pour le salaire des combattants. Et ils ont fait une comparaison avec l'UFC, et l'UFC c'est genre 10%, même pas, de la thune qu'ils génèrent qui est réservée aux combattants, donc c'est chaud quand même. Ouais, c'est super chaud, ouais. Mais tu prends même un. Alors après, c'est un. Peu dur à comparer parce que c'est pas le même système, mais tu prends un joueur de Ligue 2 en France de deuxième division ou même en national en troisième division. Ouais. Bon, les mecs ils font plein de matchs dans la saison, hein. C'est pas pareil qu'un mec qui combat 4 à 5 fois dans l'année, quoi. Et encore 4 à 5 fois c'est grand maximum. Mais à l'année, ces mecs là qui font des matchs devant des très peu de gens, enfin c'est ouais, un ouais, truc ouais. Relativement confidentiel, on va dire. Ils gagnent beaucoup mieux leur vie que n'importe quel combattant du UFC. Ouais, après, c'est aussi d'une façon, une culture américaine, quoi. Les mecs, c'est vachement. Enfin, la façon dont ils ont géré le démarrage de l'UFC, c'était clairement se faire des thunes, quoi. Pour grossir et faire des deals avec plein de trucs, les chaînes de télé, machin. Et puis après, le côté s'occuper correctement des mecs, les faire avoir de l'argent, c'était pas leur but, quoi. Leur but, c'était de grossir eux, faire grossir la marque. Et les combattants, ils passaient bien après, quoi. Oui, c'est vrai. Alors que quand t'es, pour le foot, il n'y a pas la marque Ligue 2, quoi. on s'en fout quoi de la marque, enfin personne calcule la marque en question. Je tiens juste à rajouter quand même que depuis cette saison en fait Domino's Pizza a racheté la Ligue 2. Enfin c'est pas qu'ils ont racheté mais qu'ils ont payé en fait pour avoir leur nom à côté de Ligue 2. Donc maintenant en fait officiellement c'est Domino's Ligue 2. Je viens de préciser, hein. C'est pas des conneries. Ok. Non mais bon, en tout cas, tu vois ce que je veux dire, c'est que l'UFC, ils ont vraiment poussé pour qu'on parle de l'UFC, quoi. Et pas de, du sport MMA, en fait. C'est ça qui est bizarre dans ce marché-là aux États-Unis. Tu vois, t'as l'UFC, t'as Bellator, t'as machin. Et maintenant, les gens, ils comprennent un peu plus le MMA et tout ça. Mais quand, il y a quelques années encore, même encore maintenant, les gens, tu leur parles de MMA... Eux ils disent ah le Free Fight, l'Ultimate Fighting, l'UFC, enfin ils ont tout fait pour associer ce sport à leur marque et à mettre en avant leur marque avant tout le reste quoi. Donc ouais je sais pas, en tout cas ça va venir des combattants et pas de l'UFC parce que leur objectif à l'UFC c'est pas de mettre en valeur leurs combattants nécessairement quoi. Oui c'est vrai qu'en fait comme tu dis, j'avais pas vu ça comme ça mais ils ont monté une marque en fait quoi, ils ont pas vraiment... Ouais c'est ça, ouais. C'est ce qu'ils ont. Ils ont racheté l'UFC au, je sais plus qui là, les mecs de Zuffa là, les frères Fertitta. Ils ont fait grossir leur truc et maintenant ils ont revendu leur truc. Ils ont fait ça vraiment comme un business quoi. Ils ont arrivé, ils ont investi dans une boîte. Ils ont fait monter la valeur de la boîte pour la revendre à prix d'or quoi. Ils l'ont vendu 4 milliards et maintenant ils sont pépères quoi. Oui, ça c'est clair. C'est vraiment ce qu'ils ont fait. Donc c'est vrai que c'est chaud quoi, de dire que derrière après t'as des humains et en plus la particularité de l'UFC comparativement à du foot, c'est que les mecs leur taf c'est de prendre des droites quoi. Donc ouais, c'est ça qui est chaud. Ouais c'est clair, c'est mais même un mec comme Tyron Spong qui à la base vient du kickboxing. Ouais. J'avais été surpris une fois parce que c'était il y a quelques années déjà, j'avais maté un de ses combats sur YouTube et il gagne le combat et donc après t'as l'interview dans le ring avec l'annonceur et tout machin. Et il était là genre oui, qu'est-ce que vous diriez si vous affrontiez machin truc après ça et tout. Ouais. Et lui sa réponse c'était très clair, c'était écoutez moi je suis un combattant, vous pouvez mettre n'importe qui en face de moi tant que vous me payez, il n'y a pas de souci quoi. Ouais. Et tu regardes après le mec il est passé en MMA. Il est resté au Glory, il a décroché la ceinture, je crois, pour un moment. Enfin, après, il s'est blessé contre Gogan Saki, mais bon, il était très bien placé dans le Glory. Et puis, il a fini par se barrer. Maintenant, il combat en boxe anglaise, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est un des premiers mecs, en fait, qui est plus... qui est peut-être pas tant intéressé par la challenge, mais plus à bien gagner sa vie, en fait, à en faire vraiment son métier, quoi. Ouais. Non, mais je vois. Mais après, ouais, je pense que c'est pas... Je parlais de Rory McDonald en disant que peut-être qu'il est moins motivé par le truc, machin, peut-être pas. Hein. Mais dans tous les cas, si tu choisis de faire ça comme taf, c'est que ça te plaît un minimum et c'est ce que tu veux faire, quoi. Parce que voilà, je pense qu'il a d'autres choix, quoi, dans sa vie. Donc s'il le fait, c'est qu'il est vraiment dedans. Mais c'est vrai que ouais, il y a un truc chez les combattants là, c'est de dire voilà, moi j'ai une vie, j'ai un truc à faire, j'ai une carrière à assurer. Et je pense que c'est la différence avec il y a quelques années. Je sais pas, il y a 10 ans, je pense pas qu'il y avait vraiment de combattants qui disaient allez, je vais gagner ma vie en faisant ça quoi. C'était pas des mecs pas forcément perdus, mais des mecs qui avaient envie de faire ça, qui le faisaient, qui arrivaient à rejoindre les deux bouts parce qu'ils faisaient un petit peu de thunes à droite à gauche. Mais je pense pas qu'ils avaient de plan de carrière, alors qu'aujourd'hui c'est une option, c'est possible. Donc ça va arriver de plus en plus quoi. Ouais. Et les nouveaux, là les jeunes, je sais pas, il y a des mecs de 20 ans là, tous ceux qui vont arriver maintenant. Ça va plus être ça que ouais, rien à foutre, mais n'importe qui devant moi, machin. Ça va plus être des choix un peu stratégiques et de dire ah bon, bah, qui me paye mieux, bah si on paye mieux en faisant ça, je vais faire ça. Kickboxing, même en différentes disciplines quoi. Et on verra ce que ça donne. Moi je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis curieux quoi en tout cas. Mais ça me fait un peu penser puisque toi et moi à la base on s'est connus, on était à fond dans la musique et on traînait dans les scènes un peu underground rock quoi. Ouais. Ça me fait un peu penser parce qu'on a vu ça aussi des groupes qu'on a vu jouer dans des caves ou dans des bars qui commencent à avoir du succès et certains qui ont commencé à vraiment vraiment cartonner et t'as sans piternelle conversation ou discussion autour du groupe genre ouais mais ces mecs c'est des vendus comme il y a parce qu'il y a des gens qui sont un peu attachés à cette espèce d'image de groupe indépendant jusqu'à la mort mais à côté de ça Quand t'es quelqu'un qui enchaînait des tafs de merde, qui a un peu que ça à côté, je pense que si on t'offre l'opportunité d'en vivre, quitte à faire des concessions à côté, ça me paraît quand même assez ça me paraît quand même assez logique comme choix quoi. Ouais non c'est clair. Je sais pas si tu vois la comparaison mais. Si je vois carrément le truc. Non bah ouais bah c'est non c'est une bonne image je pense. Mais c'est vrai que en plus dans le sport MMA enfin sport de combat il y a en plus ce côté warrior quoi où limite les enfin c'est quand même un truc quand tu te rends compte en tant que public en tant que fan ou quoi. C'est quand même assez assez froid quoi comme rapport que t'as avec les gens. C'est des mecs qui viennent se prendre des grosses droites et on est un peu là genre ouais on veut du spectacle genre on se dit putain Ortiz contre Sonnen ça va être de la merde ouais sérieux alors qu'en fait les mecs ils vont se galérer à s'entraîner je sais pas combien de temps ils vont arriver ils vont se manger des droites ils vont se faire enfin on est grave détaché de tout ça on s'en fout et on a ce côté ouais nous on veut voir du combat intéressant on veut voir des trucs machin et c'est vrai que après moi j'ai pas forcément ce truc là mais pour le côté ouais si un mec est un peu plus business qu'un autre, c'est vrai que t'as une grande partie du public qui va dire ouais mais ce mec là c'est un vendu, c'est un machin, c'est qui sont vachement attachés au côté ouais warrior spirit, moi je veux voir des mecs qui se mettent dessus, machin. Genre le gros truc a été vendeur chez McGregor là quand il était contre Diaz, surtout sur le deuxième combat. Il y avait tout un truc sur le fait que le mec il a sauté deux catégories de poids, que c'est un ouf. Genre ouais franchement il est trop courageux il est tout... et quand tu regardes vraiment le truc Nate Diaz à la base c'est un lightweight après ouais il est plus grand enfin il est plus lourd que Conor mais pas de tant que ça. T'as des mecs qui disaient que Nate Diaz il était en poids qui se baladait avant la sèche en mode mi-lourd quoi qu'il était à 200 pounds ou je sais pas quoi alors que trop pas quoi. Et ça marche vachement de ce côté guerrier sans peur et tout. Les gens, ils calculent pas forcément tout le truc, quoi. Et demain, un mec comme McGregor, maintenant que lui, il a ce côté vraiment blindé aux as, si lui, il dit « Ouais, moi, je veux des thunes et tout, nanana », ça ajoute à son... pas son charme, mais ça ajoute à son charisme et tout. Mais un mec un peu... pas moyen, mais un mec moins connu, moins... voilà, qui arrive, qui dit « Ouais, moi, je veux des trucs, je veux des thunes », on fait « Oh, mais ce gars-là et tout... » Enfin, on va plus le critiquer qu'un autre, quoi. C'est vrai que c'est aussi une culture, aussi bien, on dit ouais, l'UFC, ils sont comme ci, comme ça, mais le ressenti du public, il joue vachement aussi, quoi. Ouais. Les gens que tu montres, qui sont adulés, quoi, c'est ceux qui ont pas forcément le... Enfin, comment dire, c'est délicat pour eux d'assurer leurs arrières tout en gardant une popularité comme il faut, quoi. Ouais, donc, ouais, mais c'est... ouais, effectivement, c'est intéressant. Et puis, en même temps, Conor McGregor, il y a un... Je pense qu'il est, malgré sa personnalité, il est quand même un peu dans cette démarche de comme les autres, de ramasser le plus de thunes possible, quoi. Ah non, clairement, il l'est, ouais. Notamment avec cette histoire de combat contre Floyd Mayweather, quoi, parce que... Ouais, ouais. Parce que si tu regardes les choses en tant soit peu sérieuse, il est censé combattre... si t'essayes, hein. Ouais. Il est censé combattre Floyd Mayweather, alors l'idée, ce serait qu'il le combatte dans une cage, en mode pied-point, avec genre avec des coudes et des genoux. Mais à partir de là, il va éclater Floyd Mayweather, c'est évident, quoi. Ouais. Donc, il fait ça juste pour le pognon. Et l'autre aussi, hein, je veux dire, de toute façon, mais c'est, la démarche reste la même, hein, de toute façon. Non, non, c'est clair. Mais tu vois, il arrive à jouer sur les deux tableaux, quoi. Il arrive à jouer sur le côté thune. Parce qu'en fait, lui, en gros, il se comporte comme une star, quoi. Donc, c'est-à-dire que lui, demain, il peut arriver et dire « Moi, j'en ai rien à foutre, je veux des thunes, ne me prenez pas la tête. » Les gens vont faire « Waouh, c'est un ouf !» Mais un mec qui a pas eu qui a pas encore la popularité qu'il a, qui tient le même discours, ben ça passe pas du tout. Ouais, oui, c'est tu vois, sûr. Demain, je sais pas, Tony Ferguson, ouais. il arrive et dit ouais, moi tout ce que je veux c'est le billet et tout. On va lui faire vas-y, mais rentre chez toi, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Alors que c'est le même discours, mais ils sont pas traités de la même manière, quoi. Donc c'est ça qui est chaud, quoi, dans le côté mettre des stars, genre tu disais le fait qu'ils aient mis Rousey et McGregor au statut de dieu, quoi, bah ça a un impact assez négatif sur les autres parce que ils peuvent tenir le même discours mais on les prend pas au sérieux, quoi. Ouais, je sais pas, c'est quoi la solution, l'avenir? Toi, tu vois ça comment, l'évolution de l'UFC dans, je sais pas, UFC MMA dans les deux prochaines années, quoi? Si tu devais imaginer un peu à quoi ça va ressembler pour toi, ce serait quoi? UFC, je sais pas, vu qu'ils viennent de se faire racheter, on verra. Ouais. Pour ce qui est du MMA, je pense qu'il y aura plus d'organisation parce ouais. qu'il doit y avoir de plus en plus de pratiquants, donc de plus en plus de professionnels, donc plus d'organisation et peut-être plus une explosion, enfin explosion, je sais pas si c'est le terme, mais une apparition de vraies scènes locales de MMA en fait, avec qui tournent autour d'organisations plus ou moins locale. Parce que je sais pas si t'as vu, mais il y en a une qui vient d'apparaître qui s'appelle EuroFC MMA, je crois, qui est une organisation européenne. Ouais. Et ils ont signé, ils ont Cardamoussou, ils ont d'autres noms qui sont quand même. Ah oui. Qui sont, enfin, ils ont des mecs quand même pas mauvais, j'ai l'impression qu'ils font pas mal de pubs. Ouais. T'as eu ce truc en Italie, là, le Venator. Ouais. Non pas le Bellator, mais le Venator. Ouais. Voilà, enfin t'as des trucs qui apparaissent, donc je pense que ce sera surtout ça en fait. Surtout ça, ouais. Après, en parlant d'Europe, toi, est-ce que tu visualises, est-ce que tu penses que ça va être possible un jour MMA en France ? Moi, sincèrement, je pense que oui, parce qu'il y a eu cette histoire de décret ministériel ou je sais pas quoi. Il y a un truc il y a pas longtemps là, où ils ont interdit je sais plus quoi. Mais parce que moi d'un côté j'ai envie de me dire que enfin ça prend tellement d'ampleur mais il y a un côté en France qui est tellement je sais pas une certaine rigidité vis-à-vis de ces sports là quoi. Et moi j'avais vu un truc où t'avais des mecs qui disaient qu'il y avait aussi le gros lobby des sports établis genre comme le judo qui vont être là pour limite écraser tout ce qui pourrait concurrencer la popularité du judo. Parce que tu regardes, en fait moi j'ai jamais pensé comme ça de me dire que tous les gens qui sont dans les fédérations voilà, judo, karaté, arts martiaux traditionnels quoi, l'influence qu'ils peuvent éventuellement avoir et le fait qu'ils aient pas envie d'être concurrencés par d'autres sports. Et c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe au fait que le judo, quel point c'est populaire au final pour les gamins en tout cas. Enfin, t'as plein de gamins qui font ça et j'ai l'impression que, enfin, quand tu vois même à la télé aux Jeux Olympiques, les mecs qui font du judo, c'est des stars, quoi. Enfin, t'en as pas des masses, mais je veux dire, c'est quand même porté, tu vois, au grand public. Alors que t'as d'autres sports ou qui sont des, genre, je sais pas, tu connais un mec qui fait du taekwondo. Alors, moi, je connais pas de champion de taekwondo parce que c'est pas poussé derrière. Et donc, j'ai l'impression qu'ils ont aussi une influence sur tout le reste. Là, il y a, en 2020, il y aura le karaté aux Jeux Olympiques et c'était leur limite. Ouais, ils ont réussi à le faire alors que c'était. Enfin, perso, je trouve que ça sert un peu à rien. Mais. Pourquoi ? Parce que t'as déjà plein de sports. Enfin. Ça dépend comment. Ça dépend sous quelles règles c'est fait, mais ça va être sous les règles de l'escrime, quoi. Ouais. Ça va être de la touche. Il y a déjà du taekwondo, je crois, aux Jeux Olympiques. Ouais. Il me semble, c'est pareil. Donc, je trouve ça pas grand chose. Ça pourrait être intéressant de faire du karaté Kyokushin, là. Bon, c'est un peu plus brutal. Mais bon, bref, ça c'est juste une parenthèse. Mais je me dis que, en tout cas pour la France, pour revenir sur la France, pour que le MMA puisse s'établir, je pense qu'il faut soit un champion français à l'UFC, et que les mecs ils sont obligés de dire voilà, ils sont obligés d'admettre qu'il y a quelque chose et qu'ils ouvrent leur porte au MMA, mais sans ça, je sais pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est encore bloquant, parce que voilà, c'est juste. Maintenant, c'est un sport qui est reconnu, si tu veux. Avant, quand c'était encore un peu obscur, ils pouvaient se poser des questions. Ah, je sais pas trop, machin. Là, c'est un truc qui fait des millions et un gros business, des milliards quand même. Un gros business qui tourne, voilà, c'est un truc qui est établi, il y a des règles. Et les gens, ils sont toujours rigides dessus, quoi. Donc, je sais pas. Moi, je pense que c'est juste une question de temps. Je pense que ça finira forcément par passer parce que c'est tellement illogique que ça peut pas continuer comme ouais, ça. Il y a plein de trucs illogiques qui restent. Ouais, je sais pas. Ouais, mais dans ce cas-là, enfin dans le cas présent, surtout qu'en plus, voilà, on commence à avoir des. On a déjà eu. Bon, on a eu les plus connus, les combattants français les plus connus qu'on a eu, c'était Cheikh Kongo et Cyril Diabaté. Ouais. Jusque-là. Là, t'en as d'autres qui apparaissent, t'as Francis Ngannou, t'as des frères Lapidus, ouais. T'as Tom Duquesnoy aussi, je sais pas si t'as entendu parler, ouais. qui apparemment est vraiment très très bon et qui devrait signer l'UFC d'ici pas très longtemps, lui, je pense. Lui, il est aux États-Unis, enfin il s'entraîne aux États-Unis maintenant, je crois. Il s'entraîne en partie chez Greg Jackson, ouais. Ah ouais. Donc non, je pense que ça devrait venir, il y a eu quand même pas mal de reportages là-dessus. Je pense que ça concerne vraiment des gens qui bloquent, ça concerne vraiment bon, c'est eux qui ont le pouvoir, mais ça bloque, ça correspond plus à une poignée de gens, quoi. Donc au bout d'un moment, après moi j'ai tendance à être assez optimiste là-dessus, mais non, bah j'espère que t'as raison, hein. Ouais. Franchement, ce serait bien que ça évolue, quoi. Ouais. Mais bon, non, mais c'est comme ça pour le moment, hein. C'est c'est d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a Cardamoussou qui a carrément décidé de combattre pour l'Allemagne en fait maintenant. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est ça que je voulais chercher tout à l'heure, ouais. Là. Parce qu'il a un passeport allemand, donc maintenant il est un peu dégoûté, donc il combat pour l'Allemagne. Ce que je peux comprendre parce que lui, je sais qu'il est assez patriote, donc il était plutôt dégoûté. Mais bon. Et il y a Ngannou aussi. Enfin, toi, tu penses quoi de ses chances, Ngannou, d'arriver en haut du panier, parce que là, il déboîte des mecs. mais qui sont encore, je sais pas, je connais pas le top du poids lourd, quoi, mais ils sont dans le top 20 ou 15, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais à ton avis, ils sont entrés dans le top 10. Est-ce qu'il a déjà, à ton avis, les clés pour être vraiment un danger au niveau ou pas encore? Je vois, c'est clair que dans l'état actuel des choses, je vois mal gagner par KO contre Cain Velasquez, quoi, par exemple. Ouais. Mais je pense que s'il continue à avoir des combats comme ça, avec une espèce de progression, avec des mecs à chaque fois qu'il y ait pas trop un écart entre deux combats, quoi. Ouais. Un écart de niveau, je pense qu'effectivement, il y a moyen qu'il aille loin, quoi. Ouais. Parce que là, je sais pas c'est quoi ce qui est prévu pour lui. Il affronte Anthony Hamilton. Ah, c'est ça. C'est quand? C'est en Belfast, décembre. Là, non? Non, c'est aux États-Unis, je crois. Ah ouais. C'est dans pas très longtemps. Ouais. Attends que je regarde. Mais non, je pense que, enfin, je pense qu'il y a moyen qu'il aille loin. Je pense qu'il y a moyen qu'il aille plus loin que Cheick Kongo, en tout cas. Ouais. Et d'ailleurs, Cheick Kongo à Bellator, t'as vu ses combats ou pas? J'en ai vu un ou deux. Ouais. Ouais. Parce que son dernier combat, apparemment, je l'ai pas vu. Hein. Ouais. Mais ça avait pas l'air d'être. Enfin, il a gagné, mais ça avait pas l'air d'être la folie en termes d'action et de démonstration de compétences apparemment. Bah, Cheick Kongo, il va sur ses 40 balles aussi, hein. Il est, ouais, tout jeune. Hein. Ah ouais, c'est alors Ngannou, c'est l'UFC Fight Night 102. T'as raison, c'est à quoi? Albany, New York. Ah ouais, c'est une carte vachement axée poids lourd, quoi. Tête d'affiche, Derek Lewis contre Shamil Abdourakhimov. Abdourakhimov. Aucune idée, je connais pas ce mec. Ah oui, il y a Anthony Hamilton. Mais Anthony Hamilton, c'est déjà un mec un peu sérieux, hein, je pense, pour ouais, Ngannou, là. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Bon, après, ils peuvent. Ouais, bah, le mec a gagné 3 combats presque par KO. Ouais. Donc, bon, c'est quand même pas n'importe quoi. Bah, tiens, j'en profite qu'on mate ce truc-là. Là, on mate donc la carte de l'UFC 102. J'ai entendu parler d'une rumeur, justement, avec l'acquisition de l'UFC, qui vont un peu se calmer sur le nombre d'événements qu'ils font, parce qu'ils en font 15 000 tout le temps. Moi, pour moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Tu penses quoi de toutes ces cartes qu'il y a, qui sont pas forcément hyper. Enfin, hyper folle, quoi, tu vois, genre celle-là, t'en penses quoi de ces trucs? On est sur UFC Fight Night, Lewis contre Abdourakhimov, t'as ça en tête d'affiche, Ngannou, Anthony Hamilton en co-main event, Hassan Sao, Aljamain Sterling, Patrick Cummins contre Gian Villante. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, ouais. Oluwale Bangbose contre Joglu, après des noms que je connais pas, quoi. Ouais. Toutes ces cartes, voilà, avec des... Je trouve que c'est pas mal, quand même, d'avoir des cartes où bah forcément tous les combattants sont pas connus, quoi. Il faut bien qu'ils combattent et qu'ils se fassent connaître. Mais ce nombre d'événements qu'il y a tout le temps, et où pour tout ce qui est, voilà, pour toutes les personnes qui sont peut-être moins investies dedans, où il n'y a pas vraiment de non déterminant pour regarder la carte, toi t'en penses quoi? Tu penses que c'est une bonne chose que tu aies les petites cartes d'un côté et des grandes cartes pour le grand public de l'autre? Ou est-ce que ça devrait être plus équilibré, avoir toujours un petit quelque chose d'intéressant à checker? Alors moi je pense que c'est... moi je pense que dans un certain sens, oui, c'est intéressant qu'il y ait des cartes, des affiches avec des mecs moins connus, voire carrément moins connus. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, si tu t'intéresses vraiment au sport... tu t'intéresses vraiment au sport et donc par curiosité tu es prêt à checker des événements comme ça. Ouais. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que, après je parle pour moi, mais j'essaie d'y remédier justement avec mon abonnement à Fight Pass. Ouais. Même si en fin de compte, le problème reste le même maintenant que je viens d'y penser, c'est que tu regardes exclusivement les trucs de UFC, quoi. Alors que avec Fight Pass, tu peux t'intéresser à d'autres organisations, mais dans tous les cas, en fait, elles appartiennent à l'UFC, donc oui, dans tous les cas, bon, voilà, c'est l'UFC. Mais si tu t'intéresses vraiment au MMA, je pense que ça vaut quand même le coup d'aller checker des cartes avec des gens moins connus ou d'autres organisations, quoi. Non, c'est... Bah, en tout cas, on parlait aussi vite fait de Fight Pass. On se disait avant de commencer qu'on a des périodes où on est pas mal sur Fight Pass et des périodes où on est un petit peu moins, enfin, ce qui est normal, hein, dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, ouais, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le nombre de l'accès qu'il y a sur ce truc-là, quoi. Le nombre d'organisations différentes. Après, c'est tellement... D'un autre côté, c'est tellement rempli qu'il y a des fois, je veux découvrir quelque chose, je sais pas par où commencer, quoi. Ouais. Il y en a plein. Ouais, ouais. Il y a des trucs dans tous les pays, partout. Mais donc, c'est pas évident de s'y retrouver maintenant que c'est devenu aussi populaire, de savoir quoi choisir, à quoi s'intéresser. J'ai un petit peu du mal à tout suivre, quoi. Ce qui peut être un bon plan dans ces cas-là, c'est de suivre sur les réseaux sociaux certains journalistes ou certains commentateurs, parce qu'ils ont tendance à annoncer certains combats sur les trucs préliminaires ou même sur d'autres organisations, genre tel mec contre tel mec, ça va être vachement bien. Ouais. Ça peut être un bon plan pour se repérer. Carrément. Et sinon, là, on est sur la liste des prochains événements UFC. Moi, je vais prendre ton avis sur ce qui est à venir. Là, on a ce soir. On est le 5 novembre. Ouais, c'est ça. Ce soir, on a. Ah, je savais même pas que c'était Ultimate Fighter Latin America. Ah, moi non plus. Ouais, tu vois. Il y a un Fight Night, donc c'est Dos Anjos contre Ferguson, et apparemment, du coup, c'est le final du tough Latin America. La tête de Ferguson, j'en peux plus. Moi, cette carte, je la trouve quand même pas mal du tout. Ah, j'avoue. Alors, est-ce que t'as entendu parler du fait que mon ami Charles Oliveira, il a raté sa pesée à 9 pounds d'écart? Sérieux? Je savais pas. Bah, 9 pounds, c'est énorme. C'est vrai. Et je sais pas du tout. Je sais qu'il a raté sa pesée, mais je sais pas du tout ce que ça donne pour l'événement. Je pense pas que ce soit. Je sais pas si le combat est annulé ou si c'est juste. Parce que 9 pounds, attends, je vais voir combien ça fait en kilos, parce que ça me paraît vraiment monstrueux, quoi. Charles Oliveira da Bronx. Mais ils ont des. Alors, ça, on pourrait faire peut-être un. Peut-être pas un podcast entier, hein, mais. Un petit point sur les pseudos des combattants. Ouais, effectivement, ouais. Il y en a, faut arrêter les mecs. C'est clair. Parce que da Bronx, faut m'expliquer. Alors, 9 pounds en kilos, pour information, ça fait 4 kilos. Donc, c'est vraiment beaucoup, quoi. Ça va, quoi. Le mec a pas vraiment fait beaucoup d'efforts. Alors, Fight Night 98, Charles Oliveira, il rate la pesée, mais le combat est maintenu. Et donc, ouais, lui, il est contre qui déjà? J'ai déjà oublié. Contre, ouais, Ricardo Lamas, quoi. Donc, ça peut être pas mal du tout. C'est clair, j'aime bien Ricardo Lamas. Ouais. Ricardo Lamas, son dernier combat c'était quoi déjà? Parce que lui, à la base ça devait être contre BJ Penn. C'était annulé, mais avant ça c'était. Je crois c'était contre Holloway, non? C'était contre Max Holloway, ouais. Et il s'est fait calmer un peu. Ouais, mais j'aime beaucoup Max Holloway d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, là ça va être Max Holloway contre Pettis. Yes. Pour le 206, si je dis pas de bêtises, non? Je crois bien. Ouais, je sais plus lequel. Mais bon, pour revenir à, donc on va aller étape par étape, hein. Pour revenir donc à ce Fight Night Ferguson contre Dos Anjos, j'ai perdu la page. Alors la carte, t'as donc main event Dos Anjos Ferguson, co-main Diego Sanchez contre Marcin Held. Déjà on va aller étape par étape. Le main event, t'en penses quoi? Je pense que ça devrait être absolument mortel. Ouais. Et je pense que Rafael Dos Anjos devrait gagner. Je pense. Par décision unanime, je pense, si j'avais à choisir. Ouais, pourquoi tu penses ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça chez lui? Qu'est-ce qui te fait dire ça chez Ferguson? Les deux sont quand même vachement complets. Ouais. Mais je pense que juste Dos Anjos a plus d'expérience et qu'il doit vraiment avoir la haine d'avoir perdu la ceinture comme il a perdu. Je pense que c'est ça qu'il veut jouer. Ouais, ben je te rejoins un peu. Après Ferguson, je trouve qu'il est. C'est quoi le terme? Enfin, il pose pas mal de pièges, quoi, dans sa façon de combattre. Mais Dos Anjos, quand il est chaud, genre les combats, il m'a fait halluciner, quoi. Où il rentre dans le gars et je me dis, t'es contre lui, tu dois être. Enfin, ça doit être. Ouais. Ça doit être pas évident du tout. Son combat contre Ned Diaz ou Cerrone. Ouais, non, c'est chaud, quoi. Donc, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Décision unanime, Dos Anjos. Je sais pas si on prononce Dos Anjos ou Dos Anjos. Ouais, c'est en question. Voilà, tant pis, on saura pas. Donc, moi je te rejoins. Diego Sanchez contre Marcin Held. Alors, je vois pas du tout qui c'est, Marcin Held. Bah, écoute, moi non plus. Genre, total professionnalisme. Ouais. Y a pas une petite photo là? Il a 24 ans, il est polonais, The Polish Prodigy. 26 combats, 22 victoires. Ah ouais? Je pense que s'il le met en face de Diego Sanchez, c'est que ce mec, il doit être assez. Il aura un style agressif, je pense. Ouais. Surtout s'il les met en common event, quoi. Ouais. Donc, a priori, ça devrait être un bon combat. Diego Sanchez, il est un peu sur la pente descendante, donc même si j'ai jamais vu Marcin Held combattre, je vais partir sur ce mec, quoi. Parce que Diego Sanchez, si je dis pas de bêtises, moi le dernier combat que j'ai vu de lui, je sais pas si c'est son dernier combat, hein, mais je crois que le dernier c'était contre Lausanne là, UFC 200, peut-être qu'il y en a eu un entre temps, j'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, celui que j'ai vu, le dernier que j'ai vu, il s'est fait sécher. Ouais, c'était ça, le dernier. Contre Joe Lozon, tu l'avais vu celui-là? Ouais. C'était assez limite triste, quoi. Genre, il s'est fait calmer, quoi, vraiment. Donc, ouais, je sais pas quoi en penser parce que je connais pas bien ce Polish Prodigy, là. Mais bon, c'est un mec qui a 24 ans. C'était quoi son. On a regardé son palmarès, c'était quoi? Une vingtaine de victoires. Enfin, il a l'air quand même d'avoir de l'expérience. Je sais pas trop. 22 victoires, 4 défaites. Ouais. Non, Si, c'est ça. Donc ouais, on va voir ce que donne Sanchez, mais moi je m'inquiète pour lui. Je me dis qu'il faudrait que, parce que lui il est là depuis combien de temps, Sanchez? Il a fait Ultimate Fighter 1. Il fait, ouais, ça fait bien 10 ans qu'il est dans l'organisation. Il est pas hyper vieux, hein, mais ouais, il a du kilométrage, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, je sais pas trop, j'en sais pas assez sur Marcin, mais je vois bien Diego Sanchez perdre éventuellement parce que il a fait de la route, quoi. Donc je sais pas. Ouais, moi je pars avec le Polonais, moi, pour le coup. Lamas Oliveira, donc du coup Oliveira il a raté sa pesée, donc c'est, au lieu d'être en featherweight, c'est en lightweight, enfin en catchweight à 155, donc en gros c'est en lightweight. Moi je vois Lamas. Moi aussi, ouais, Lamas. Après Oliveira il a quand même pas mal d'outils, mais Lamas c'est avec sa lutte, quoi, je vois bien dominer le truc, quoi. Non, c'est clair. Bon, après Martin Bravo contre Claudio Poulet, je te demande pas ton avis. Merci. Merci beaucoup. Benel Dariush contre Rachid Magomedov, ça c'est un bon combat, ça. Je me rappelle pas avoir vu combattre Rachid Magomedov. Il est assez chaud, lui. Ouais. Il est assez chaud. Après Dariush aussi. Moi je vois Dariush gagner celui-là. D'accord. Je le vois gagner. Ouais, une décision aussi. D'accord, ok. Je te fais confiance là-dessus. Il y aura Alexa Grasso et Dergio Clark, je te laisse te. Si t'as un avis, tu le donnes, sinon... Je vais pas le donner. On peut passer à autre chose. Ah ouais, le gros qui arrive, donc la semaine prochaine, Alvarez McGregor. UFC 205. Voilà. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça, l'histoire du MMA, quoi. Voilà. Toi, t'as hâte de cette carte Comment ne pas avoir hâte de cette carte, quoi. C'est surtout ça la question, quoi. C'est clair. Il y a trois combats pour la ceinture. Ouais. En main event, on a Eddie Alvarez contre Conor McGregor. Ton avis là-dessus? Alors mon avis là-dessus, il est un peu biaisé parce qu'en fait j'ai vu une petite interview avec Firas Zahabi, donc le coach de Georges Saint-Pierre entre autres, qui donnait son avis. Et du coup, forcément, c'est un peu dur de dire qu'il va pas avoir raison sur le coup parce que c'est Firas Zahabi, tu vois. Ouais, ouais. En disant que d'après lui, c'est Eddie Alvarez qui va gagner parce que Conor McGregor, ça fait pas si longtemps qu'il a combattu. Ouais. C'était quand même tendu contre Ned Diaz, il a quand même mangé. Ouais. Il a peut-être pas eu beaucoup de temps pour s'en remettre. Ouais. Et du coup, si ça dépasse les deux premiers rounds, Eddie Alvarez va lui mettre la pression avec sa lutte et qu'il pourra pas tenir, quoi. Et ça me paraît être une bonne analyse. Ouais, ça me paraît. Ça en tout cas, la mienne ne pourra jamais être aussi bonne que celle de Firas Zahabi, donc. Ouais, c'est clair. Bah écoute, à la lumière de cette information. je vais te rejoindre. Non, moi ce que je me dis, je remets pas du tout en cause les qualités de combattant de McGregor parce qu'il est bon, hein, y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve que la part psychologique, sauf contre Diaz, mais la part psychologique, elle joue vachement dans les combats que j'ai pu voir de lui. C'est sûr. Il agace les mecs. Enfin, j'ai pas vu vraiment de combat où le mec en face il est libre de travailler ce qu'il veut travailler sans avoir d'idées parasites, quoi. Parce que le mec il est saoul tout le temps et voilà. Et, alors que contre Eddie Alvarez, j'ai l'impression qu'Eddie Alvarez il s'en branle un peu. J'ai pas l'impression qu'il soit trop affecté par les délires de McGregor, mais il n'y en a pas eu non plus beaucoup. Et en plus, je pense qu'avec sa lutte, Eddie Alvarez, il sait à qui il a affaire. Parce que Conor McGregor, quand même, il n'avait pas eu tant de combats que ça. Il est arrivé rapidement en haut avec les ceintures, etc. Et maintenant, on commence à l'avoir vu plein de fois pour les combattants futurs, pour savoir quelles sont ses faiblesses, quoi. Alors qu'avant, c'était on va tenter, voilà. Donc moi, je pense que même s'il était au top de sa forme, sans avoir eu ce truc de combat très récent contre Diaz, moi j'aurais quand même vu Eddie Alvarez gagner contre lui juste pour la lutte, parce que quand tu vois comment il était contre Mendes. Mendes, il était à bout de souffle au bout de un round, 2, quoi. Et donc là, je pense que si on est vraiment dans un truc très terre à terre, je pense qu'Eddie Alvarez, il a les outils pour poser pas mal de problèmes à McGregor. Après, je sais pas, sur 5 rounds, je sais pas. Parce que c'est sur 5 rounds aussi. Donc est-ce que Alvarez, il va y aller à balle en mode rien à foutre, j'essaie de le calmer au bout de 2 rounds, ou est-ce qu'il va s'économiser et laisser de l'espace à McGregor, je sais pas. Parce qu'il peut aussi créer la surprise, McGregor, en faisant ses... Enfin, parce qu'il a quand même pas mal de techniques. Il a une bonne boxe, quoi. Donc, je sais pas. Mais Eddie Alvarez, j'aurais tendance à aller dans cette direction. Et en plus, vu que Firas Zahabi, ton maître... apparemment, c'est ton maître. Vu que lui, il a dit que c'était Alvarez, bah écoute, on est d'accord. Ok, très bien. C'est un peu ton maître à toi aussi. C'est, ouais, bah, par extension, c'est ton maître, t'es mon maître. Donc voilà. Tyron Woodley contre Stephen Thompson. Déjà, qu'est-ce que tu penses de Tyron Woodley, champion des poids welter? Franchement, j'étais un peu dégoûté qu'il mette KO Robbie Lawler aussi rapidement. Ouais. Non pas que ce soit un énorme. Enfin, j'aime beaucoup Robbie Lawler comme combattant, mais enfin, je m'attendais pas à ça en fait. Quoi. Ouais, ouais. Du coup, Tyron Woodley comme champion, je pense qu'il y a moyen qu'il perde rapidement la ceinture, et je pense qu'il y a moyen qu'il la perde, que ce soit contre Stephen Thompson. Ouais. Bah, moi, le truc que j'ai toujours eu, tout combattant confondu, c'est que. Alors, je respecte énormément le fait qu'il ait gagné ses combats, etc. Mais les mecs qui ont ce côté one punch knockout, là, j'arrive, je te touche, tu tombes. C'est respectable, hein, comme Johnny Hendricks à l'époque, tous ces mecs-là. J'ai toujours du mal à les mettre au même niveau que des gars qui dominent un combat, comme d'autres champions, voilà, où tu vois que voilà, ce mec-là, il n'y a rien à faire contre lui, il te maîtrise debout, il te maîtrise au sol, etc. Un mec qui arrive à te mettre KO, c'est clairement une force, mais je me dis que si Stephen Thompson il est suffisamment malin pour réussir dans ses déplacements à être assez mobile pour éviter la force du mec et pendant ne serait-ce que le premier round, je pense que c'est lui qui gagne. Après, je pense que c'est classique, si Woodley gagne ce combat, c'est parce qu'il a réussi à l'avoir, lui faire une petite feinte, un petit machin, comme il a eu Lawler. Mais moi, je vois très bien Thompson le sécher. J'aimerais bien le voir, Thompson, le sécher comme il a séché Johnny Hendricks, parce que ce combat, il était impressionnant. C'est clair. C'était juste un calmage total contre Johnny Hendricks, qui d'ailleurs, lui, je sais plus, il se bat sur celle-là ou une autre. Non, je crois qu'il... 207 ou je sais plus quand. Je savais même pas qu'il y avait un combat de prévu, en fait. Si, il a un combat contre Neil Magny. Ah, d'accord. Je sais plus, j'ai oublié l'événement, on trouvera ça après. Et il a annoncé que s'il perd contre Neil Magny, il prend sa retraite. D'accord. Donc, qui gagne ou qui perd, au final, si le mec est déjà en train de penser à ça, c'est qu'il est en pente bien descendante. Et je pense aussi que le combat qu'il a eu contre Thompson, ça a dû bien lui remettre les idées en place. Quoi. Ouais, j'avoue. Parce que ce combat, il était juste. Pour une fois, parce que Johnny Hendricks, c'est un mec qui a la réputation de souvent trouver des excuses à la fin de ses combats. Ouais, j'ai pas réussi à faire le poids. Pour la peser, j'ai pas réussi à atteindre le poids qu'il fallait parce que j'ai mangé des frites. Il a toujours des excuses, mais en plus, c'est bien bidon, quoi. Bref, même sur certaines de ses défaites, il est toujours un peu en train de dire oui, mais là, George St-Pierre, j'étais qu'à 70% de mes coups. Ouais, c'était incroyable, quoi. c'était fou, quoi. Bref, et contre Thompson, il a rien dit, il a juste fait écoutez, je me suis fait calmer, et c'est comme ça, quoi. Donc, ouais, moi, Thompson, Johanna contre Carolina, on va pas donner le nom de famille parce que c'est incompréhensible. Je pense qu'on s'est compris, ouais. Mais, je pense que ça va être un bon combat aussi. Ouais. Je vais partir sur Johanna. Johanna, parce que elle est. J'ai maté il y a pas longtemps. C'était peut-être même la semaine dernière, je crois. Son dernier combat, celui contre Claudia Gadea. Ouais. C'était un très bon combat. Ouais. Et non, franchement, elle est balèze. Elle est vraiment balèze. Elle est balèze. Après, moi, le truc, c'est que je vois que comment s'appelle Carolina Kowalkiewicz. Bien joué. Ouais. Carolina, moi j'aurais bien aimé. Bah après, la catégorie, je la maîtrise pas bien, strawweight là. Mais j'aurais bien vu combattre pour le titre, mais genre peut-être pas tout de suite. Je lui laisse encore genre 1-2 combats. Parce qu'elle a l'air quand même d'avoir un bon niveau. J'ai vu son combat contre Rose Namajunas. Ouais, ouais. Et franchement, elle a eu du mal à démarrer, j'ai trouvé. Mais après, franchement, elle était là et ça m'a surpris parce que je pensais que c'était Rose qui allait gagner. Et je pense qu'elle a le niveau. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'elles ont déjà combattu les deux. Oui, mais elles ont combattu, Carolina. Je crois que c'était en Muay Thai ou un truc comme ça. Ouais. Et donc, ouais, moi aussi, je pense que ça va être Johanna qui va gagner. Mais j'aimerais bien les revoir si jamais effectivement Johanna gagne machin, j'aimerais bien les revoir combattre dans genre 2 ans et voir si Carolina elle a pris un peu du niveau, quoi. Et en plus, ce que j'ai envie de voir aussi, c'est que Johanna elle est partie s'entraîner à je sais pas quelle équipe, American Top Team, ouais, c'est ça. Et donc voir la différence que ça fait, je sais pas si c'est une bonne idée forcément, parce que t'as pas les mêmes repères, t'as pas les mêmes, ça change pas mal de choses. Donc est-ce que ça l'affecte en bien, en mal, je sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, en termes de skill, Johanna, je la vois bien gagner ça, quoi. D'accord. Bon, Chris Weidman, Yoel Romero. Je pense que ça devrait être Chris Weidman. Ouais. Surtout que Yoel Romero, maintenant, il est plus dopé. Ouais. Donc, moi, je garde en tête quand même le Vitor Belfort. Après, je me suis fait pécho en flagrant délit de dopage et post. Poste, j'ai raté dopage et c'est quand même pas la même chose. Donc, ouais. Même si je pense que la différence sera pas aussi flagrante, je pense que non, c'est Chris Weidman qui est le meilleur là-dedans. Tu le vois gagner comment? Je le vois gagner. J'imagine bien de gagner en mode TKO Grand Endpoint, peut-être deuxième ou troisième round, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ben, je pense que ouais, je suis d'accord. Chris Weidman, il revient de son dernier combat, c'était contre Rockhold du coup. Oui. Il a perdu sa ceinture et il n'a pas combattu depuis. Oui. Donc je pense qu'il va arriver bien motivé, chaud de montrer qu'il gère, etc. Après Yoel Romero, je pense qu'il reste dangereux au début parce qu'il est bien explosif. Mais Weidman, je pense que ouais, je pense que c'est Weidman qui gagne quoi. Gastelum contre Cerrone. Ah, ça va être bien ça. Alors ce truc, ce combat, je sais pas. Moi non plus, franchement, c'est. Enfin, si j'avais à choisir, parce que Gastelum, il est encore invaincu, je pense, non? Non, il a perdu quelques combats. Attends, que je dise pas de bêtises. Il est encore invaincu, lui? J'ai l'impression, dans mes souvenirs, mais. Je sais qu'il a des problèmes avec la pesée aussi, lui ouais. aussi, mais je crois qu'il a. Ouais, il en a perdu. Ah non, il y a deux défaites. Mais il a perdu contre Tyrone Woodley. En plus, il a perdu par split décision, les deux, donc. Et ni Magny. Ah ouais, ouais. Ouais, donc il a perdu, mais il a pas. Il s'est pas fait stopper, il a pas perdu par décision unanime, donc il reste quand même assez compétitif, Gastelum, là. Ouais, bah, je pense que ça va être Gastelum qui devrait gagner parce qu'il est encore bien jeune, il n'a pas subi trop de dommages, il est bien frais. Ouais. Je pense, à mon avis. Bah, moi, je pense que dans ce sens, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'en même temps, c'est le combat de trop pour Donald Cerrone qui fait le malin à faire 50 combats par an. Là. Ouais. Et donc, ouais, ça lui donne une image ouais, où tu veux, quand tu veux, etc. Machin, et c'est respectable et il montre qu'il maîtrise parce que ses derniers combats, le dernier contre Rick Story, c'était genre une bonne maîtrise. Mais je pense que c'est le combat de trop contre. Enfin, c'est pas le bon combattant sur lequel il tombe pour son. Je sais pas combien de combats il a fait cette année, mais on va dire que c'est son, je sais pas, quatrième. Tomber sur Gastelum maintenant, je suis pas sûr que ce soit favorable pour lui, quoi. Parce qu'il est plus jeune, il va être plus dynamique. Et puis il a une bonne lutte, tout ça, donc je sais pas. Ok. Misha Tate, Raquel Pennington. Alors là, j'ai un peu un bug parce que dans ma tête, Misha Tate était encore championne. Bantamweight. Non, elle a perdu contre Nunes. Ah, mais oui, bien sûr. UFC 200, bah oui. Elle s'est fait calmer. Ouais, c'était assez rapide, ouais. oui, c'est passé trop vite, t'as pas eu le temps de. C'est ça. C'est ça. Non, mais je pense que ça va être Misha Tate qui a gagné. Je pense. Je pense qu'elle a encore une fois plus d'expérience, elle est plus complète que Raquel Pennington. Donc, Ouais. Et la division des filles, Bantamweight. Ouais. T'en penses quoi avec ces histoires de. Parce que, en gros, t'as eu Ronda qui est arrivée, qui était championne ultime tout le temps. Voilà, c'est moi la championne. Puis Olium, elle est arrivée. Et depuis Olium, en fait, le titre, il change de main tout le temps. Toi, t'as un avis là-dessus. Tu penses que ça a donné quoi? Peut-être qu'on en parlera après, mais le retour de Ronda Rousey, la division en elle-même, t'as un truc dessus ou pas? J'ai bien hâte de voir le retour de Ronda Rousey contre Amanda Nunes. Ouais. Voir ce que ça donnait, parce que je pense qu'a priori elle est assez forte pour abattre, tu vois. Ouais. Mais voir ce que ça donnait avec son retour, est-ce que la pression et tout machin, est-ce qu'elle va réussir à gérer tout ça. Mais elle a dit que vraisemblablement ça devrait être son dernier combat, quoi. Ouais, j'ai pas trop compris. Enfin, je sais pas si c'est son dernier combat ou ce combat fera partie de ses derniers combats. Mais en tout cas, oui, elle a annoncé qu'elle comptait pas faire ça 10 ans, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et moi, ce qui me surprend. Enfin, après, voilà, c'est une combattante, donc peut-être qu'elle est juste motivée et qu'elle a envie de combattre. Mais si elle a eu autant de. Comment dire. Ils ont été aussi souples que ça sur. Parce que voilà, c'est une star et en gros, elle fait ce qu'elle veut, quoi, concrètement. Tu veux comparer un mec comme Aldo, qui est là, genre, mais quand est-ce que je me bats pour ma ceinture et tout. Je me dis, j'ai du mal à comprendre qu'elle choisisse de revenir. Si vraiment c'est son dernier combat, elle veut juste faire un combat et dire, vas-y, c'est bon, j'arrête. De revenir contre Nunes, mis à part le fait qu'elle se dit bon bah elle contre elle, je pense que je peux gagner. Je sais pas, en fait quelle est la stratégie derrière. Si elle compte un jour vouloir sa revanche contre Holly Holm ou pas. En tout cas, enfin si jamais elle gagne son combat contre Nunes, ça me paraît pas vraisemblable que ça arrive tout de suite, la revanche contre Holly Holm. Mais ouais, pourquoi maintenant parce que c'est le combat, c'est la carte du nouvel an, peut-être que c'est financier, je sais pas. Mais ça me surprend quoi, en tout cas. Mais je suis curieux de voir ce qu'elle va donner, ouais, c'est clair. Ouais. D'accord. Si on passe à la carte préliminaire, elle est... De toute façon, toute la carte du début, main card préliminaire jusqu'à la fin, c'est du combat quoi. Elle est dingue quoi. Mais Frankie Edgar contre Jeremy Stephens. Frankie Edgar, je pense. Ouais. Ouais. Frankie Edgar qui avait pris bien cher contre José Aldo à UFC 200. Ouais. Bah, Frankie Edgar, franchement, c'est le mec où j'ai toujours été pour lui quoi. Tu sais, enfin, depuis. C'était, je sais pas quel UFC 130, non 100, ouais, je sais plus, quand il est devenu champion léger contre BJ Penn, là, il y a eu deux combats, ouais. L'un à la suite de l'autre, enfin, il y a eu rematch après. Enfin, depuis ce moment-là, après, il y a eu ce combat contre Gray Maynard, les deux combats épiques, machin, où il revenait, il s'était fait éclater, il revenait. Après, il y a eu ces combats contre Benson Anderson, où c'était serré, mais il a perdu, machin. Lui, je me suis toujours dit que c'est le mec... Déjà qui est un très bon combattant, agréable à regarder et tout, mais qui a pas forcément qui a pas eu de chance, mais qui était toujours à juste quelques millimètres de récupérer sa ceinture ou d'en avoir une nouvelle. Et en fait moi le truc qui pour lui maintenant c'est que après l'UFC 200, j'ai du mal à me dire c'est quoi l'avenir pour Frankie Edgar quoi. Parce qu'il a ça fait 15 000 fois qu'il essaie de combattre pour le titre et je pense qu'il va pas tout de suite même si là il gagne 6 combats d'affilée machin. Ça va pas être tout de suite pour lui d'avoir un title shot quoi. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais pour ce combat là en tout cas ouais Frankie Edgar. Après Jeremy Stephens, est-ce que t'as vu ce petit moment de conférence de presse entre Jeremy Stephens et Conor McGregor? Oui j'ai vu ça ouais. Ouais c'était assez drôle. Enfin bon, bref. Khabib Nurmagomedov contre Michael Johnson. Khabib. Alors avant que tu donnes ton avis. Ouais tu l'as déjà donné. Pardon. Mais avant que tu donnes ton avis, pourquoi est-ce que ce combat il est placé là? C'est une très bonne question. On aurait très bien pu mettre. Parce que tu vois, Misha Tate contre Raquel Pennington. Ouais. Bah non, je pense que c'était juste histoire d'équilibrer quoi, de pas mettre toute leur force vive sur les cartes principales parce qu'ils peuvent se le permettre tout simplement. Ouais. Donc Khabib. Khabib, ouais, j'aime beaucoup Khabib Nurmagomedov. Le mec a 23 combats, il a vaincu. Bah après c'est vachement c'est il y a cette aura qu'il y a, déjà en tant que combattant il est agréable à regarder et tout, mais j'aime bien le côté mec invaincu quoi, ça reste quand même le truc bien en termes de pas de charisme mais voilà de pouvoir dire ce mec est invaincu depuis X temps, t'attends juste une chose c'est qu'il ait un combat pour le titre et qu'il devienne champion avec toujours ce terme invaincu. Moi je suis assez je pense que en plus contre Michael Johnson son dernier combat c'était il y a pas si longtemps que ça contre Poirier là où il a gagné mais pour Khabib je pense que il va gagner quoi. J'aimerais beaucoup, de toute façon ça fait scandale d'ailleurs, mais j'aimerais quand même vraiment beaucoup voir Conor McGregor contre Khabib Nurmagomedov quoi. Ouais, bah moi je pense Khabib. ce serait Khabib aussi, carrément. Je pense, ouais. Sacré Khabib. Ensuite, Rashad Evans contre Tim Kennedy. Bah. Un mec qui a pas combattu depuis 2 ans et un mec qui est sur la pente descendante aussi. Ben ouais, tu le résumes bien, c'est qu'en gros, Tim Kennedy, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, son dernier combat c'était contre Yoel Romero. Non. C'est ça, si. Ouais, voilà, donc c'était il y a longtemps. Rashad Evans, il est son dernier combat c'était contre Ryan Bader, mais c'était en mi-lourd. Donc là, il a déjà fait des combats en poids moyen. C'était contre Nogueira, non? C'était contre Nogueira son dernier combat? Je crois. Ah ouais. Je vais aller voir. Vas-y, regarde. En tout cas, entre les deux, moi je pense. Franchement, je sais pas. Je n'ai aucune idée. J'arrive pas à savoir ce que ça va donner. Ça dépend comment il revient, Rashad Evans, quoi. Ouais. Parce qu'il avait un gros manque de confiance sur son dernier combat. Ah non, c'était contre Glover Teixeira. Ah oui, il s'est fait calmer. Hein. Putain, mais oui, pourquoi Nogueira? Oui, Teixeira, oui, bien sûr. Ouais. Et donc, je me souviens pas s'il a déjà combattu en poids moyen ou si. Je crois. Non, je crois pas. Non. Parce que ça faisait longtemps qu'il devait passer en poids moyen, mais en fait, il le fait que maintenant, quoi. Ouais. Bah écoute, curieux de savoir ce qu'il va donner à cette catégorie-là. Et puis Tim Kennedy, j'ai pas vraiment d'avis sur ce mec quoi. Il est très bon, mais il se plaint tout le temps de plein de trucs et on le voit jamais combattre. Donc j'ai aucune idée de ce combat en fait. Pour moi, c'est le combat mystère. C'est vrai que le mec, ça fait super longtemps qu'il a pas combattu, mais pourtant il se plaint tout le temps quoi. C'est vrai que c'est bien résumé quoi. Ouais, il est tout le temps sur internet à parler de je sais pas quoi. Enfin, après, je suis pas de ces trucs de près, mais bon. Donc toi, tu as une idée ou pas? Ouais, Rashad Evans. Juste pour dire un nom. Ouais, absolument. Ok. Vicente Luque contre Belal Muhammad. Je connais aucun des deux. Jim Miller contre Thiago Alves. ça va être bien aussi. Thiago Alves, premier combat poids léger. Ouais, je saurais pas dire quoi. Des deux, enfin des deux en plus sont un style assez agressif. On devrait pas s'emmerder pendant ce combat. Ouais, non, franchement c'est dur. Hein. Ben, moi je vois que l'avantage que je donnerais debout à Thiago Alves, l'avantage au sol, Jim Miller. Thiago Alves, il a pas une réputation, mais il a quelques combats où il a fait des bonnes erreurs, des combats qu'il dominait. Où il se laisse prendre un vieil étranglement qui aurait pu être évité. Enfin, après, c'est facile à dire quand t'es assis devant ton truc. Mais je vois bien Jim Miller réussir à l'attraper, quoi. Sur une petite soumission, genre un leg lock ou un truc comme ça. Ou un étranglement. Après, Jim Miller, ça fait longtemps que je l'ai pas trop vu combattre. Donc, je sais pas où il en est. Mais s'il est toujours au top de sa forme, je pense qu'il a des chances de prendre la victoire là-dessus, quoi. Ok. Toi, t'as pas de. Écoute, franchement, j'ai pas de. Enfin, c'est pas que j'ai pas d'opinion, mais j'ai vraiment du mal à me décider en fait, quoi. Bon, et les deux derniers combats, on a Rafael Nadal contre Tim Boach. Rafael Nadal, tu veux dire? Non, pas Nadal. J'ai dit Nadal, ouais, Nadal. Ouais. Ça aurait été drôle, mais. Ouais. Nadal contre Tim Boach. C'est ça, ouais. Tim Boach. Tim Boach, Barbarian contre Rafael Nadal. Rafael Nadal, il est quand même pas mauvais, quoi. Ouais. Enfin, Tim Boach non plus, mais je verrais peut-être plus gagner, quoi. Rafael ou... Rafael, ouais. Rafael Nadal ouais. Contre Tim Boach, qui a tendance à perdre contre des mecs qui ont quand même un bon niveau, quoi. Ouais, bah écoute, moi je te suis. Rafael Nadal. Et puis le dernier, Carmouche contre, je sais pas, j'arrive pas à lire. Contre Kathleen Choukagian. Ouais, bah écoute, je sais pas qui c'est, quoi. Je pourrais pas dire. Voilà, c'est pronostic bon. De l'enfer. Super pronostic, j'espère que tout le monde a pris des notes. Bon, on va pas s'amuser à faire toutes les cartes qui arrivent. Mais donc là, dans les prochains trucs qui vont arriver, les trucs notables pour moi, là, bah ça va être Cormier Johnson 2. Ouais. Et puis le 207, ça va être les plus gros trucs qui arrivent. Mais après, moi, le 206, ce qui est dommage, c'est que c'était censé être le retour de Georges Saint-Pierre, mais il y a un contrat. Ou je sais pas quoi. Et j'ai l'impression que ça va faire un peu comme le. C'était quoi? C'était le 201. Donc ça va faire un peu comme l'UFC 201, quoi. En gros, t'avais l'UFC 200, le gros truc. Après, t'avais le 202, Diaz McGregor. Et puis le 201, tout le monde s'en foutait, quoi. Bah là, j'ai l'impression que t'as le 205. Le 207, le retour de Ronda Rousey, mais le 206, tu vois, Cormier et Johnson, ça va être un bon combat, y a pas de problème. Mais en termes de trucs à absolument avoir qui te donne vraiment super envie, je sais pas trop si ça va être fédérateur, quoi. Je sais même pas c'est quoi à part Cormier Johnson, je sais même plus ce qu'il y a. Ah, t'as quand même Max Holloway et Pettis, pardon. Contre Pettis, ouais, ça va être bien ça. Ça va être bien par contre. Ouais. Limite, moi je préfère ce combat que Cormier Johnson, quoi. Ouais. Après, ouais, non, bah écoute. Ouais, non. Ouais. Je regarde la carte. Mais il y a un autre, mais ça c'est sur une autre carte, c'est dans pas très longtemps d'ailleurs, je vais aller voir, qui m'intrigue quand même pas mal. C'est de Fight Night, c'est 19 d'ailleurs de ce mois. Ouais. Fight Night, Moussassi contre Uriah Hall 2. Ouais. Alors à la base, ça a été un remplacement. Je sais plus qui, il y en a un qui s'est blessé, je sais plus lequel. Elle est où ce truc là? C'est où? C'est à Belfast. C'est à Belfast. Ben, je crois qu'il y avait Gunnar Nelson. Ah oui, c'est ça, ouais. Contre je sais plus. Ça devait être Dong Yoon Kim contre Gunnar Nelson, ouais, c'est ça. C'est pété la cheville Gunnar Nelson, ça, donc ouais. Voilà. Ouais, ça aurait été bien d'ailleurs, Dong Yoon Kim contre Gunnar Nelson. Ouais. Mais ouais, non, je suis assez curieux parce que visiblement, leur premier combat, Moussassi contre Hall, Moussassi s'est un peu fait prendre par surprise. Ouais. Et du coup, c'est un peu l'opportunité de voir ce que ça a donné au retour. En plus, ça fait pas très longtemps qu'ils se sont affrontés, donc non, je... Bah après, pour Moussassi, c'est le mec, bon, on en parlait, je sais pas si c'est dans le podcast oublié qu'on a jamais publié ou si c'est dans le premier. Si, je crois que c'est dans le premier qu'on en a parlé, où on disait Moussassi, on parlait d'une carte qui allait arriver, on disait Moussassi contre Belfort, qu'est-ce que t'en penses? On disait, ouais, Moussassi, c'est un mec un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il se fait chier quand il est là. Mais moi je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il ressort d'une victoire. C'était quoi, c'était contre Belfort. Belfort, du coup, ouais. Il ressort d'une belle victoire. Il commence un peu à s'embrouiller avec Bisping et je sais plus combien il est dans les rangs, mais en gros, on commence à parler de lui comme contender potentiel. En gros, t'as Bisping qui est champion. Bon. Puis derrière, t'as Jacaré, Weidman, Romero, ces mecs-là. Et Moussassi commence un peu à rentrer dans la discussion. Et je me dis qu'en termes de stratégie, parce qu'on parlait tout à l'heure, au début, de tout ce qui est de stratégie, de savoir est-ce que je suis le mec qui combat parce que j'ai envie de combattre, ou est-ce que j'essaie de faire de la thune, ou est-ce que j'essaie de faire avancer ma carrière, etc. En termes de stratégie, le combat contre Hall, je le trouve assez dangereux, donc c'est honorable de sa part de dire vas-y, je vais prendre ma revanche et je veux gagner. Mais si là, il perd de nouveau ce combat, il redescend grave dans les, ouais. dans les trucs, dans les classements, quoi. Et c'est assez dangereux pour lui, mais donc c'est hyper respectable de sa part. Et je suis curieux aussi de voir ce que ça va donner, parce que Hall, il ressort d'une bonne défaite, là. Il s'est fait mettre KO par qui ? Brunson, je crois. Ouais, je crois que c'était contre Derek Brunson. C'est ça, hein. Ouais. Et puis, ouais, Hall, j'ai du mal à comprendre, à suivre ce combattant, quoi. Parce qu'il a été tellement encensé quand il faisait le Ultimate Fighter, comme quoi ça allait être la révolution. Et il a pas donné des trucs de malade, quoi. Donc non, ce combat, ouais, moi je pense que c'est Moussassi qui va prendre le truc, parce qu'il a l'air assez bouillant, quoi. Mais s'il se fait attraper comme il s'est fait attraper, parce que le premier combat, il n'y a pas eu de... Comment dire ? Lui, il dit qu'il s'est fait surprendre, tout ça, machin, mais ça me paraissait être un combat qui a été gagné par Hall, enfin, réglo, quoi. Il a juste gagné le combat, ouais. Point, quoi. Donc, ouais, je sais pas. Mais j'espère pour lui, en tout cas, parce que je commence à apprécier de plus en plus Moussassi, j'espère qu'il va gagner, qu'il va pouvoir... être en haut du panier et puis même tenter un de ces jours le titre, quoi. Ouais, bah écoute, on verra, mais effectivement, s'il gagne ce combat, on pourrait après, il y aurait quand même le droit après ça d'affronter, genre, comme t'as dit, un Yoel Romero, un mec de ce calibre là, quoi. S'il gagne ce combat, je pense qu'il est à genre un ou deux combats du titre, quoi, selon ouais. comment ça se passe au niveau du titre. Ouais. Parce qu'avec Bisping qui a le titre, c'est tellement le. le fait que ce mec soit champion des poids moyens. C'est tellement le pavé dans la mare, quoi. C'est clair. je sais pas. Parce que, enfin, déjà, le combat contre Dan Anderson, c'était clairement juste. Ouais, bon. Voilà, on va faire. Enfin, il y avait une raison, plus ou moins, de faire un combat parce que Dan Anderson, voilà, il était proche de la retraite. Et Bisping, il avait des revanches à prendre, donc ils ont réussi à le faire passer. Mais ça a aucun sens. En termes de compétences et de classement réel des combattants actuels. Enfin, il n'y a aucun sens de faire Bisping contre Anderson. Et moi, je pense qu'ils auraient fait Bisping contre n'importe qui des top 3 qui est derrière lui. Il aurait perdu sa ceinture, quoi. Il n'y a aucun sens, mais en même temps, je pense que tout le monde est assez content de voir ce combat, quoi. Non, c'est enfin, il y avait aucun sens en termes de classement. Après, il y avait un sens en termes d'histoire, quoi. Mais si tu restes vraiment dans une philosophie le meilleur contre le meilleur, machin, ouais. Bah, ouais. Bah, Bisping, je ne vois pas garder son truc très longtemps. Moi, je serais lui. Je serais pas loin de la retraite, quoi, en disant ouais, c'est bon, j'ai fait le tour, je suis champion, merci, quoi. Ouais, bah, je pense il a les yeux défoncés, il voit plus d'un œil. Puis voilà, il a quand même fait une bonne carrière, quoi, mine de rien. Donc, bah, je serais lui, je serais bon, moi, les gars, merci. Plus, quoi. C'est clair, c'est ouais. clair. Mais écoute, ouais, après, je pense que le mec doit tellement être sur un nuage qu'il a envie de voir jusqu'où il peut pousser, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, c'est une philosophie à prendre, hein. C'est un état d'esprit que je comprends pas forcément. Moi, je suis pas combattant professionnel, hein. Nous, on est juste des quoi, même pas amateurs, quoi. Des amateurs, enfin des spectateurs, quoi. Des spectateurs sportifs du dimanche. C'est ça. Bah, j'en profite pour faire la petite parenthèse parce que on a fait un podcast. Le deuxième podcast était très introspectif. Oui. On est allé très loin. Alors vous l'entendrez, enfin peut-être un jour, mais on est allé très loin dans les histoires perso sur notre parcours. Et donc ce que j'allais demander à Antoine, c'est au niveau du sport, où est-ce que tu en es justement, toi, tu m'as dit que tu t'es fait un peu de yoga ce matin, t'as aligné tes chakras. Ouais, absolument. T'es très paisible sur ce podcast. T'en es où là ? Écoute, moi donc je ressors depuis, en fait je reprends, j'ai eu une interruption de toute activité sportive qui a duré de 2014 jusqu'à... quasiment 2 ans en fait. Pendant quasiment 2 ans, j'ai pas pu faire de sport parce que je m'étais fait une sale blessure à la nuque. Mais grâce à la rééducation chez le kiné, j'ai pu reprendre tout doucement mais sûrement. Donc avant ça, je faisais donc des sports de combat, mais là, je me suis inscrit à ça à côté de chez moi. Et je fais de la cardio, je fais un peu de muscu, enfin, je me remets bien, quoi, à mon rythme. Ouais. Donc en gros c'est ça quoi, j'y vais plusieurs fois par semaine et je me mets bien tout simplement quoi. Et tu m'as dit que t'as un collègue qui t'a chauffé pour éventuellement que tu retournes à Candice. Candice, pour le rappeler, c'est quoi, c'est une salle d'entraînement, c'est quoi, c'est un club de boxe thaï, club de boxe thaï MMA qui est à Gare du Nord à Paris. Ouais. Alors tu m'as dit un collègue, mais c'était pas un collègue en fait, c'est de kiné que je vais voir en ce le moment. Kiné, ouais, c'est ça. Ouais. On va faire un peu de pub, hein, Rémi Nancou. Si vous êtes sur Paris et que vous avez un souci, vous êtes fait mal en faisant du sport. Faites un petit peu de Google, Rémi Nancou, kiné, il est très très bon ce qu'il fait. Et du coup, effectivement, lui, en fait, il a combattu en MMA, il s'est toujours entraîné au Candice, et donc, écoute, n'hésite pas à revenir t'entraîner et tout, machin. Moi, plus, pour l'instant, je me sens plus à l'aise à faire mon truc dans mon coin, à me remettre bien, parce que je reviens quand même d'assez loin. Ouais, ouais. Et peut-être l'année prochaine, je pense que je lui remettrai. Mais en attendant, effectivement, c'est genre cardio, muscu et yoga, et ça me va très bien. Ouais, donc tu me dis, ouais, tu fais des machines, quoi, en termes de muscu, cardio, de quoi tu cours? Je cours. Je suis fractionné, c'est ça, ouais. Et est-ce que pour les apprentis sportifs qui écoutent potentiellement, est-ce que t'as un programme précis dans ce que tu fais? Enfin, est-ce que t'as un objectif? Est-ce que c'est juste pratiquer du sport? Est-ce que tu t'as un but? Est-ce que tu voilà? Est-ce que t'as un programme? Toi là, par semaine, tu fais ça, tel jour, ou comment ça se passe? Moi, le seul truc que je m'impose vraiment en fait, c'est d'y aller 3 fois par semaine, c'est tout quoi. Ok. Histoire de vraiment bien m'entretenir, parce que c'est le strict minimum si tu veux vraiment avoir un bon niveau sportif, on va dire quoi. Ouais, ouais. Si tu veux vraiment être en bonne santé, enfin, à mon sens en tout cas. Ouais. Après, ensuite, ce que je fais, c'est comment je me sens, est-ce que je pousse, est-ce que je vraiment de manière intense ou pas. Après, j'ai tellement forcé par le passé, je me suis fait tellement des blessures connes en voulant jouer au guerrier que maintenant je me prends pas la tête. Donc mon programme, c'est juste faire je m'échauffe, je joue au rameur, je fais un quart d'heure de rameur, et puis après en général je vais courir, fractionner ou pas, c'est selon vraiment comment je me sens. Ouais. Et ensuite je vais faire un tour en machine, je vais faire de haut, je vais faire de bas. Si j'ai mal quelque part à un bras, eh ben, je vais éviter. Je pense que le principal, c'est juste s'écouter et s'entraîner autour, s'entraîner autour de ça, quoi. Et donc, ouais, en termes, t'as fait du yoga ce matin, mais en termes de trucs en groupe, quoi, je veux dire, activité coachée, quoi, c'est uniquement yoga ou tu fais d'autres trucs là où t'es? Non, c'est que yoga. Parce qu'il y a plein de trucs là-bas, il n'y a pas de... Il y a 15 000 à chaque fois que je m'entraîne, en fait, si tu veux, c'est un endroit assez cool, en fait, c'est... C'est une ancienne imprimerie, je crois, donc c'est comme en fait une espèce de mini-usine. Okay. Donc en fait, toutes les machines sont à l'étage et en bas, tu peux voir ce qui se passe en bas en fait. Et donc en bas, c'est là où il y a des cours en fait collectifs. Et ils ont 30 milliards de trucs, ils ont des trucs, tu sais, sur les espèces de mini-trampolines, je sais pas comment t'appelles ça, des trucs. Je vois pas du tout ce que c'est. D'accord, je vois ta tête que tu t'imagines un truc de ouf, mais c'est rien de ouf en fait. De quoi? Ils ont des cours de step, enfin un truc de zumba, enfin ils ont tout ouais, ça. Ouais, ouais, ouais, classique quoi. Ils ont des cours de boxe thaï aussi, genre une ou deux fois par semaine, mais bon, c'est très très amateur quoi. Ok. C'est, enfin de ce que je vois, c'est ça a pas l'air incroyable, mais pour t'entraîner, c'est ça quoi. Éventuellement, alors là, remise en forme, remise, maintien, entretien et tout. Et éventuellement, selon comment tu te sentiras et comment ça évolue, l'année prochaine, tu reprends un peu du sport de combat. J'aimerais bien. Idéalement, en fait, j'aurais me mettre au grappling, juste rester au grappling. Ouais. Parce qu'à chaque fois, j'étais toujours sur les deux tableaux, boxe thaï, MMA. Parce que j'ai très envie d'être sur un seul sport et d'explorer ce sport-là et d'essayer de progresser dans ce sport-là, en fait. Ouais, ouais, ok. Après, encore une fois, avec Manu, c'est quand même pas évident. Donc après c'est stressant aussi, je pense, au-delà du fait que la douleur que t'as pu avoir et la blessure en elle-même, peut-être stressant de se dire que tu reprends un truc où tu t'es blessé sur un point et non, c'est pas ça, ça te le fait pas? Si, forcément, c'est sûr que ça reste toujours un peu une crainte, hein, c'est sûr. Ah ouais. Mais on verra, encore une fois, c'est ce que j'ai envie de faire, mais on verra quoi. On verra, je me prends pas non plus trop la tête là-dessus quoi. Et si ça va pas, moi je continuerai à faire du sport dans ma salle et ça ira très bien quoi. Et à côté, j'essaierai de faire comme toi tu fais, d'avoir. De faire, si je pars en vacances, de faire des randonnées, enfin de faire un truc. De toujours m'entretenir. Ouais, une question quoi, d'hygiène de vie quoi. Ouais, c'est ça. C'est ok. Ça. Et donc, au niveau de tes collègues, parce qu'on parlait de ça sur le dernier. Parce que le dernier podcast, il y avait pas mal de choses intéressantes, mais de mauvaise qualité. on a parlé de plein de choses. Mais ouais, au niveau de tes collègues, au niveau du sport, etc., ça a évolué un petit peu leur regard sur le MMA, sur, parce que tu m'avais parlé d'un, enfin, de deux trucs. Tu avais un collègue qui était genre hyper, ou je sais pas si c'était un collègue ou un de tes potes, j'ai oublié, mais un collègue qui était genre, qui faisait, enfin, pour qui il y avait besoin de fournir aucun effort pour être tout le temps à balle sur le sport, machin, et que tu avais des collègues aussi qui avaient, par rapport à la bouffe, qui avaient une idée du régime et de l'hygiène de vie qui était complètement bah, erronée, quoi. Et donc, ouais, ça évolue, c'est toujours pareil, c'est quoi ? Non, ça, de ce côté-là, c'est toujours pareil, quoi. De collègues dont tu parles qui aballent sur le sport, il s'avère que c'est un mec, en fait, qui fait du crossfit et qui fait de la boxe. Donc je pense que lui, il fait du sport donc de manière intense, peut-être 3 à 4 fois par semaine. Ouais. Et ça se voit, il y a un physique vraiment athlétique, quoi. Mais il s'avère que c'est un mec qui a toujours eu une espèce de discipline de fer au niveau du sport et qui m'expliquait depuis qu'il était adolescent, depuis qu'il avait 13-14 ans, même tout seul, il allait courir, il se motivait pour... pour aller à la piscine. Enfin, c'est toujours un truc qui était en lui, en fait, quoi. Ouais. Donc lui, en fait, il part déjà avec un très très gros bagage, enfin un énorme avantage du fait qu'il s'est toujours entraîné. Concernant mes autres collègues qui mangent un peu, voire totalement n'importe comment. Et donne des noms, balance. je tiens à garder mon poste, mais non, mais ça, de toute façon, je pense qu'il y en a partout, quoi, tu vois. Oui, mais, non, je vois, genre à midi, c'est la pause. C'est la pause des, je vais pas dire ce que je fais, mais c'est la pause des mécanos. Ouais. Et les mécanos, enfin eux, ça rate pas, quoi. C'est soit pizza, soit kebab. Ouais. Ils se prennent pas la tête, quoi. Mais et je veux dire, moi, je suis passé par là aussi. Hein. Il y a eu des périodes où je bouffais, mais vraiment, mais comme une merde. Et ça a quand même un impact assez conséquent sur ta santé, quoi. Ah, mais tu le sens. Après, ouais, on va pas refaire le podcast qu'on a fait avant. Mais tu le sens à partir du moment où tu fais gaffe, quoi. À partir du moment, tout va ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu cherches un peu à faire un peu de sport, à droite à gauche, tu fais des trucs, t'es un peu plus, comment dire, on va pas rentrer dans de la philosophie, mais un peu en harmonie avec ton corps, avec ce que tu sens, quoi. Et je pense que quand tu fais pas forcément de sport, que t'as un peu une vie bien citadine, métro, boulot, dodo, machin, bah, tu peux manger 15 Y par jour, tu sens pas la différence, quoi, parce que c'est ton état de base. C'est tu te sens comme ça tout le temps, quoi. Donc tu te sens ni bien ni mal, tu te sens mal, enfin tu te sens, voilà, normal. Alors que quand tu fais un peu d'activité à côté, que tu cherches un peu à bouffer un peu plus sainement, etc., bah le jour où tu dis allez, c'est bon, je m'envoie un truc un peu costaud, bah franchement tu le sens. C'est clair. Et si derrière t'as du sport à faire et que t'as passé une semaine à manger pas ouf, ou même quelques jours avant ou la veille, bah tu sens que ta performance, entre guillemets, enfin ta session, elle se passe pas hyper bien, quoi. Donc je pense que c'est un truc qui va avec tout au niveau de l'hygiène de vie de tout le monde. Et ouais, je sais pas, ça me fait, je trouve ça intéressant, étant un mec anciennement rien à foutre et qui faisait pas du tout gaffe à ce que je bouffais, je trouve ça marrant de constater la différence et l'importance de ces trucs là, quoi. C'est marrant, enfin moi, si vraiment je bouffe mal, ne serait-ce que sur deux jours, c'est après c'est limite comme un lendemain de cuite, quoi. C'est ouais, enfin j'exagère un petit peu, mais je ressens quand même vraiment, quoi. Et je suis quand même très content d'avoir franchi ce pas et d'avoir intégré le sport et la diététique dans ma vie, hein. Franchement, je regrette pas du tout, quoi. Parce que j'ai des potes j'aimerais tellement qu'ils arrivent à franchir le pas aussi, parce qu'ils vont pas bien dans leur vie, tu vois, et je pense que ce serait vraiment une première étape pour que ça aille mieux. Après, t'as plein de facteurs différents, c'est sûr. Non, c'est clair. Mais ouais, ça me ferait, c'est con à dire, mais ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait plein de gens qui s'y mettent. Bah, faut que tu fasses une reconversion, parce qu'on dit pas ce que tu fais actuellement, mais une reconversion en tant que life coach. Je sais pas ce que tu penses de cette tendance des life coach qui t'apprennent à vivre. Je pense que tu pourrais, ça peut être une vocation, ça peut être un truc à tester, quoi. Ouais, enfin, moi, si j'étais life coach, ce serait très simple. J'aurais dit, genre, ok, bah, faire du sport et manger des haricots verts. Ouais, ah bah, ça peut être pas mal, quoi. Ouais. Bah, écoute, on va peut-être pas revenir sur tous les trucs qu'on a évoqués sur ce. Je pense que ce qu'on va faire, si t'es d'accord, c'est que sur les prochains podcasts, on reviendra sur des petits points qu'on a évoqués sur le podcast oublié. Ça marche, pas de soucis. On parlera de nos addictions. J'ai plein de trucs à raconter sur l'addiction. Donc, nos problèmes dépressifs. Non. J'ai plein de trucs à raconter là-dessus aussi. Non, mais bon, on pourra parler de tout ça. Là, on est à quoi, quasiment une heure et demie. Moi, je propose qu'on ait fait le tour. On a fait nos pronostics sur le podcast. Tout à fait. Sur le podcast, sur les prochains événements, là. T'as des choses à ajouter ? Pas grand-chose, à part que j'espère que c'était pas trop pénible à écouter et que vous reviendrez checker les autres podcasts dans un futur proche. Il y en aura plein, plein. Là, on est équipé, on a tout ce qu'il faut. Et on progresse doucement, mais sûrement. Alors, sauf erreur de config, ça devrait être... Ça serait un peu con maintenant, mais on est censé avoir un son un peu mieux, et puis normalement ça tournera mieux, quoi. Voilà, donc moi j'ai plus rien à rajouter. Moi non plus. J'ai hâte, donc ce soir on a l'UFC Ferguson de San Jose, ça va être pas mal du tout, et on a la semaine prochaine l'UFC 205, il faudra qu'on se revoie, ne serait-ce que après, juste avant ou juste après l'UFC 205, qu'on essaie de faire un petit point là-dessus, parce qu'il y a des choses à dire, je pense. Il y aura peut-être de quoi se marrer, pleurer, selon les résultats. Et puis voilà quoi, donc moi je dis à tout le monde à la prochaine. À plus. Et puis voilà, salut. Portez-vous bien, ciao.